100% rap français, planète rap. La nocturne. Et c'est parti juste après D-Foot pour une nocturne exceptionnelle. Yes, Jarod est là au micro. Comment ça va, Jarod? Ça va, Fred? En pleine forme? Ouais, on est venu avec toute l'équipe là. Je vois qu'il y a une grosse équipe. Il y a un gros freestyle. On va partir pour une heure de freestyle. Ouais, voilà. Une heure de freestyle intensif. Donc, c'est le freestyle dont tout le monde parlait. Voilà. Ou qui devait se faire à la base à Urban Heat et qui ne s'est pas fait. On salue nos amis d'Urban Heat. Pour certaines raisons, on les salue. Et donc, voilà. Bah, il y a du kicker qui est venu. Il y a des gens qui n'ont pas pu venir. Donc, gros big up à eux quand même, tu vois. Parce que, bah, en termes de planning, ils pouvaient pas être là. Et sinon, bah, gros big up aussi à tous ceux qui sont venus parce que, bah, voilà, faut en avoir pour venir se poser autour d'une table comme ça avec autant de kickers. Première question. N'importe qui. Est-ce que tu crois qu'on va tenir une heure en freestyle? Mais bien sûr. Attends, t'as pas vu le monde qu'il y a. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'ancienne génération, il y a la nouvelle génération. On va s'amuser. On est venu vraiment en mode bon esprit, tu vois. Et pour le kiff, tu vois, pour le hip hop, hein, tu connais. Et ben, bah, ça fait plaisir de vous avoir en tout cas tous. Peut-être qu'on peut faire le tour de table. On fait un petit tour de table. Qui va être présent au micro? Non, déjà toi, est-ce que tu as peur de quelqu'un ici? Moi, si j'ai peur de quelqu'un. Ah, il y en a, ils sont sérieux, hein. Je te mens pas. Il y en a, on s'est déjà retrouvé autour de table, c'était chaud. Donc ouais, il y a du monde, hein. Non, franchement, moi. Non, c'est chaud, ça va être chaud. Mais tu crains personne en particulier? Bah, je crains personne, hein. Je suis un caméléon, j'essaie de, tu vois, de faire mon taf, mais après, je suis pas à l'abri d'une volée, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et bah, vous allez pouvoir réagir aussi, hein. Vous réagissez en envoyant vos messages avec le hashtag Skyrock, le hashtag La Nocturne. Donc, allez-y, balancez des centaines, des milliers de messages pendant une bonne heure maintenant pour ce début de nocturne. Alors. Donc, nous avons ici Monsieur Bafa. De quoi, Jarod? Ouais, on est là. Si, bah moi c'est Monsieur Bafa, invité par Jarod, rappeur du 9-3, Stein. Big up à lui. Yes. Et tous les rappeurs qui sont venus aujourd'hui. Yes. On a avec nous aussi ALP. Falima Pedro, du 9-4 double dos, Charenton, comme d'hab. Nouvelle génération. Ouais. Nouvelle génération. C'est ça. Yeah. Ici c'est Ish de ECH, on est du 9-1, je suis venu avec mon poteau Dash et puis on s'est fait un bon freestyle avec Jarod à l'époque avec la MZ, Abdallah, etc. Ouais. On vient partager la frappe. Bim. Et bah justement, gros Dash, on en parle. On a gros Dash avec nous aussi. Yes, mon gros Shizzle, dans le building. Ça va gros Dash? Chier, Fred. Ouais, ça va et toi? Toi, tu crains personne aussi en particulier? Moi, je crains que David Luiz. Il est là avec. Mais il a les caméras. Il a les caméras, donc ça va. C'est lui, il fait parce peur. Que le freestyle, on pourra le voir aussi bientôt, Jarod. Hein. Je dis ça pour. Ouais, bien sûr. Il y a les images. Zephyr et 5M qui sont en train de filmer. Donc, on aura les images très vite d'ici quelques jours. Sur la chaîne YouTube Jarod Officiel. Et c'est relayé sur ma chaîne Facebook, enfin mon compte Facebook, Jarod le Caméléon, sur le Twitter, Jarod-Caméléon. Et pareil pour l'Instagram. Wow, on continue le tour de table. Ok. Moi c'est l'invité surprise, motherfucker, D.I.D. All, motherfucker. On est avec le bad game, motherfucker. Pour représenter le freestyle de genre négro, ça va être lourd, Aga. Ça va être sale. Aga. On va déchirer le dos des fils de pute qui veulent pas nous écouter. Écoute ça maintenant. Ok, on a Juicy P avec nous, qui est venu du 9-1. Ouais, la famille CV, pour des vrais, on est dans la maison. Tu connais, Jarod, il a invité les vrais mongols de la banlieue sud. On est là, frère. Gars. Je veux dire, on va leur tirer dessus. J'ai croisé Zesso dans le coin aussi. Zesso, il est avec nous, il est juste là. On est là. Du bad game, ma gueule. Alors, on a qui encore? La nouvelle génération, on a Chris Cardiac qui est venu de Marseille pour nous. Ah, gars, Chris Cardiac, Marseille, Avignon, shout out à Jarod pour l'invitation. On va niquer ça comme jamais. On fait des pompes sur une main comme Jamel. On a Despi Gonzalez juste derrière aussi qui s'est déplacé. Attends, Seigneur, sa major crew qui la vise. Si, mère à toi. Cimer Jarod, bête de freestyle, ça va être sale, salaud. À souhait! Yes, on a A2H, son Gavux, venez rapprochez-vous. Yeah. Jarod, ça dit quoi, mon sauce? On est là, merci d'être venu, les frères. Ça fait plaisir. On est venu représenter notre petit 7-7 au calme. Au calme. Si. Suive Gad qui est dans le coin. Suive Gad qui est dans le coin, qui est juste là. Ah bah voilà, il arrive au micro. Aïe, si, big up Jarod. Big up à toi. Soufgat, Narvalo, Croix-de-Chavaux, Montreuil-sous-Bois, on est venu représenter et puis soutenir le poteau surtout. Énervé. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui sait pas? En même temps, s'il y en a qui arrive en cours de route. Ouais, hein. Voilà, s'il y a du monde. Eh, c'est ouvert, on a invité du monde, donc il y a peut-être des gens qui vont venir en cours de route. Il y a 6 coups peut-être. Regarde qui arrive au micro, regarde qui arrive tranquillement. Aïe, FJ, voilà. Et nonchalamment au micro. Exactement, Fred. FJ qui est là aussi. Pour l'entourage, pour le 19, big up à Jarod. Big up. Big up, merci d'être venu. FJ qui est dans le coin aussi. DJ Ayan qu'on peut saluer. DJ voilà. Ayan qui sera au contrôle de cette nocturne. Ouais, elle va nous balancer vraiment des instrus au hasard. Rien n'a été choisi. Hein. Rien n'a été choisi, rien n'a été préparé. C'est des instrus au hasard. Donc ce qui vient, on le prend. C'est pour ça qu'on est censé être des freestylers. Et vraiment, voilà, j'aimerais le dire, les absents ont toujours tort. C'est dommage. Hein. J'aurais bien aimé qu'il y ait encore plus de monde pour qu'on puisse kicker encore plus longtemps. Mais bon, en tout cas, big up à tous ceux qui sont venus. Et on attaque ? Ouais, on va attaquer. DJ Ayan va nous balancer ça. Allez, pendant une heure de freestyle pour cette nocturne. Yes. Balancez vos messages. Allez-y. Vous me laissez ouvrir le bal. Quand tu veux, DJ Ayan, c'est parti. Motherfucker. Yeah. Dieu. 75. Proco. On est là, bientôt. On est en concert à Bordeaux demain aussi. Demain, venez au Rock School Barbé à Bordeaux. Gros concert. 75, tu connais les bails, ma gueule. Tu connais les bails, ma gueule. Tu connais les bails, ma gueule. Tu connais les bails, ma gueule. Tu connais les bails, ma gueule. Tu connais les bails, ma gueule. J'arrive énervé, sale profiteur, pareil que tu claques ma paye. J'suis dans le son, j'fais quelques sous, j'ai un bon album, donc j'place Badem. Salade, salope, fils de timbre, si j'prononce ça, c'est Kiahaja. Viens pas me parler des gens, tous qu'on te raconte, j'ai mis fin déjà, j'ai du lourd pour ta meuf ou ton raclo. Si tu vois ce que j'veux dire, j'assume ce que j'fais, pas comme ce saco. Relou dans le check, ça tire une pourlime, ça va de 4 carrés. Y'a pas de fuyard à la Ben Ali, dans le coin parfois c'est la Somalie. J'suis bon qu'à chercher l'anomalie. Wesh Nathalie, j'ai pas trop kiffé la danse du ventre. À l'école j'ai foutu le safari avant qu'on me foute à la place du camp. J'ai connu ton rap, mon ami, ne joue pas avec moi, tu vas perdre. J'ai tapé des potes, c'est la vie, car à cause d'eux j'ai dealé à perte. Tiens pas que les clients qui niquent du toast. Tu n'as que des amis quand tu fais de la pep. Ton meilleur gava, c'est peut-être un los qui se cache pour taper de la S comme peuf. Je veux peser comme un sumo. Je suis pas ton petit de la tête. J'allume que dans les fesses. Fous le son à fond dans la caisse. Tu connais les bails, ma gueule. Tu connais les bails, ma gueule. Tu connais les bails, ma gueule. Tu connais les bails, ma gueule. Tu connais les bails, ma gueule. Tu connais les bails, ma gueule. Tu connais les bails, ma gueule. Tu connais les bails, ma gueule. C'est des trop petites doses. Ma taupe se propage comme le flot de Migos. Mais pas un rappeur pour en rattraper un autre dans ce bas monde quand je fais le compte de mes gloss. Manque chez moi rap et c'est naturel. Charbon te fait rack et c'est naturel. Ta fucking relève, j'en fais ta purée. J'pense qu'à remplir des lovages. Aïe, mais okay. Pas le trinque, c'est ton baptême. J'suis perso sur le terrain, j'vais me pas me plaindre, frère, comme Adem. Aïe, gros coup de schlag dans le Nesby. Quoi de neuf, Jarod? Gros coup de schlas dans le Redskins. Énervé. Deux cubes de glace dans mon verre, please. Et j'te lâche mon meilleur price. Follow dessus de Vegas comme Elvis. J'suis pas à Paris pour canarder sur les terrasses. J'fume le game du balcon, mes go atterrit sur les T-Max. Mango, FMV, bitch. One love à ma dream team. La MD te fait bouger tes vœux, j'suis à la triptyque. J'remets du sérieux dans la salle comme un clic-clic. Mon zinc dans les sourates, des fours aérés pour un tweet-pic. Pas un talent gâché de mixtape. Ceux qui me collaient sur le terrain, je les ai effacés d'une pichenette. Pas un talent gâché de mixtape. Pas de talon d'Achille, transforme ton étalon en viande hachée d'office, mec. J't'en débaille, salon, moi t'piquer, oui. Neuf un bot, la trappe, viens la compte expliquer, oui. Toujours sur le terre-terre, à part pour un petit Ken, oui. Donc les négros nous kiffent comme les chicken, oui. J'balançais des petits peines avant le petit Kendrick. Le petit Kendrick, purple dans le crâne, pas en mode cheesy Hendrix. Dash et Nash, on se connaît depuis un million de jeans. Pas besoin de trop se parler, on chuchote comme les Yin Yang Twins. T'impressionnes qui avec ton Ralph Lauren du marché. Mango, t'as rien d'un king, t'es juste une capote usagée. Mango, patate dans le zen, tu demandes bien qui peut te soulager. On passe les rapports sur le gravier, pendant qu'ils se tripotent sur 3G. Oh, clash tes Ulysses, vas-y lance-toi, t'as tout à perdre. Pas que t'es remonté, tu repartiras les couilles à terre. Ambiance gay brad, donc ils se baladent, le spoup pas l'air. Si on déboule en roue arrière, t'inquiète, mon bouc y'a air, y'a air. Ah, okay, bébé quoi pour double dose. J'arrache tout, Néo, écoute ça. C'est le bébé quoi pour double dose. J'arrache tout, j'arrache tout. Parrain de la drogue, shit, skunk, extra schnouf. Sur le terrain de la bonne. C'est lui qui teste finira à genoux à demander pardon. C'est lui qui teste finira à genoux à demander pardon. Dans toutes les tests, tous les fours, dans toutes les tests, tous les fours, dans toutes les têtes. De tous les routes, dans toutes les têtes. De tous les routes, découpeurs de schneck. Que du lourd, découpeurs de schneck. pas New Jack City. Aucune règle. Bloodsport. Fais le range en genre dans le game, leur couche. Niki, je suis enragé. Danny the Dog. J'vois des MC voyager pendant que sa famille se drogue. Un des cramés, démolition man. J'ai tout, tout, trop pas déformé. J'ai envie de tout cramer, démolition man. Tous vos trous de balles déformés, rien à foutre pour mon échelle man. Ah, ah, là tu comprends tout à fait où tu vas. Fais où tu vas, fais où tu vas. J'étais comme ta mère, c'est ma vie que tu vas. Vite que tu vas, vite que tu vas. Tu fais le margeau avec ta femme que tu vas. Tu fais le même jeu avec tes potes que tes pattes. Pas que tes pattes, pas que tes pattes. Mais il t'éhole. On est vaga, vaga, vaga, vaga. Énervé, ça fait. Ok, ALP. Mon neveu contrôle le golo 7-5-0-12. Mon habit, mon assiste. Par les rails de l'Ima dans tous les coins de rue. Comme si j'étais tout pas à la fois. Arrêtez vos palivernes, on sait très bien que les Zoulous chez vous traînent encore à la foire. Tu trouves, je suis à mi-chemin. Intéresse comme un putain de fleu, Michelin. J'étais là au gosse, les rails personne. Avant d'être alpha, l'Ima bête. Tu sais que tu vas bien. Je me barre au Guatemala, fais pas le malin, je sais que t'es malin. Je vais malin, je vais en malin dans le rap. Je suis bon qu'à émettre, on décommera. Je rive chez l'art, là, derrière la caméra. Rah, rah, je suis le maître du jeu, j'ai la manette en main, je vais les accélérer. Et un parle que de pire de grosses transac, on les a jamais vus sur le terrain. Jean, pépère, basket neuf, tout ça muni d'un cuirassé. Propre à dire, nous avons monté des stories, grande comme jamais, y'en a plus cassé. Des de temps en temps, mais mon fidèle à la boule à Z. Thomas Z, j'ai loupé avec. Si tu me demandes de taper dans ton boule à sec, vos plans d'attaque sont au carré, propre. Mais dommage, j'en ai plus, je dis si elle le clou et le bec, nous faire tourner en haut. Mais dommage, j'en ai plus, je dis si je fais le summum, je monte pépère, je suis pas visible à l'œil nu, il ne m'attrape pas ou pas. Mais au chiffre, en place, vesté, qui est à main, écrit tous les coups, je ne se trompe pas. Et d'avoir avoir un problème d'optique, soit il part dans le vent, soit il part dans le dos. Et un jeu transac, Malaga, Barça, Marbella, pour finir à porter. Hein, les mains dans les rages, pas, rage pas, si tu me vois sur ton écran. Mais faut les packs, je shoot sur le buzzer, leur poche, leur a dit de faire un écran. Monsieur Bafa, lève les mains quand je prends le micro pour le B, pour le A, pour le F, pour le A, pour le L, pour le I, pour le S, pour le T, pour le A, pour le I, pour le N, pour le S, pour le V, pour le I, pour le C, pour le T, pour le O, pour le R, pour le R, pour le E, pour le N, pour le E, pour le L, pour le E, pour le E, pour le B, pour le N. Lève les mains quand je prends le micro et le majeur pour l'état la lispo. Lève les mains pour les mecs du ghetto, pour les mecs du ghetto enfermés au cachot. Je pose un son sale pour mon 93, pour les mecs de ma ville, pour les mecs de ma thèse, pour la MIFA en France et la MIFA au bled. Le 04 et les boîtes de Renel, les rappeurs de Saint de la Seine, Saint-Denis, les rappeurs d'Elby, la Mandel Family, Seine-Maritime et la Haute-Mondi, les rappeurs de Paname et de l'île de France. Dans tous les ghettos, chacun rappe sa souffrance. Les beatmakers qui travaillent jour et nuit, c'est aussi grâce à vous que la musique avance. Pour nous de blé, la Guinée-Bissau, la galère, la misère, la famine, il y a de la France à l'Afrique, big up ma familia. Entre les décès, les drames et les coups d'état. Africa, où est-ce que c'est pour l'Est, Africa, pour le Nord et le Sud et le Centre Africa. Je suis un guerrier, mandat prêt pour la guérilla. Arme de guerre, aussi guerre, il y a. Bastos, c'est senti que c'est le W pour les mecs de cité et les mecs au Fenu. Les voix qui me soutiennent, qui attendent la brand new. Deuxième projet solo et tu seras pas déçu. 93 et C-A-I-N-S, t'as des dealers de shit et des dealers de S. Si le peuvent, négro, dealers de test, ghetto, guetta, banger les flingues de leur caisse. 93, Seine-Saint-Denis, territoire occupé, Tarla, Libye. Criminel intelligent, si on tire dessus, ça ne sera pas sans alibi. L'exception confirme la règle, car en cas de danger, la station vie se multiplie. Toasty! C'est quand il est blessé que l'animal est plus dangereux et plus agressif. Il faut mettre ta bouche sur le trottoir American Story X. Ici, t'as le choix entre le bas, rier et l'automatique. Le coup dur n'est pas de comment signe. Une guerre, c'est de la finir. La connais. Je viens les problèmes pousser, bleu jusqu'à l'infini. Territoire marqué par les impacts de balles, par les flaques de pisse, par les flaques de sang. Africain, négro, fier et déterminé, mon nez sur le bitume, j'ai trop laissé des larmes de sang. Black Lion dans la jungle urbaine, mon blaze à moi c'est Simbafa. Loyal et vrai comme Mufasa. Ordonné que t'as remis, c'était un trait comme Scar. Tu n'es comme mon chauffeur à bouger, des trucs et les go. Du début du quartier, Stendhal, faut que la baille. Opérationnel dans le bail. Moi de mon murder, c'est le régime. Mon négro bim bim, fait du four d'abîme. On arrive de spi, c'est le premier truc. Mon négro Bafa m'a fait la brode. Ils sont chauds, ils prennent des brodes. Leur danse un peu contrôle pour un peu de te chier. C'est pas tard, t'en mets nos portes. Mon négro, tu sais quoi, faut les faire. Sur les putains de bord, on attend dans mon négro. Il faut que tu saches que le son est sale. Le sud de gangster. Pour te boucher les oreilles, mais la mélodie rentre par ton trou de balle. Le bail de fusil à verbal et ne mène leur part. Je suis bizarre, hors de l'air. Pousse, pousse, pousse la seule. Je vis de la force au lion, décompressé, je filme la beuh. Je me traîne la nuit, Selecta, chance d'instru, chance d'instru, chance d'instru, là, tu m'as peinté là. On est reparti, on est reparti. Ok, ok, ok. Ok. Ça fait 1. CV. Allez, M. Click. CV. Du coup, pas j'arrange, Mac John. Tu connais les primes, Mike Gazulis, Brini, Caméléon. Bon, écoute ça. Je vais parler vrai. J'aime traîner la nuit, souvent sur des blancs bif. De temps en temps, je perds mon temps avec des bitches vodka et jeans en guise de sipine. Ouais. J'en remplirai une piscine. Ouais. Oh, dans la fume, enlève tes peu, ça faut que ça pine. Ouais. J'arrive à l'envers, Michael Jackson, mon gars Moonwalker. Les haineux sont verts de jalousie, c'est des Tony No Curse. Là, je suis vert de bœuf, vert de sky, vers le côté VIP avec les abonnés à Vip Fleury. Si tu t'es fait serrer ce matin, la vie n'est que Qatar. Dans sa grosse chatte, mon gros licata. Différents kata, négro sur les yeux, on profite de toi comme une yeska. Bien qu'au bout du rouleau, je fais le sale boulot, ça roule. Grosse cuisse, gros sein, pretty face, c'est plus gros boule. J'suis la 8ème boule, alors on s'essaiera au billard. Attrape ma canne à chaque coup de rein, des visions de corbillard. J'ouvre le feu sur toi comme Barthéli Diaz dans les rues de Dakar. Allez, pas d'acte, boss de 9-1, j'suis autodidacte. Viens pour chez nous, exprimer ton mécontentement. Te mets dans le coffre promptement et tes potes paieront proprement. Ils ont la menthe, ces négros sont des dragés. J'viole le rap sans relâche, resserre son point G. Je suis pris de la LMC qui est Monsieur Juice. Vodka et G, j'les aime coquiner fumant la jazz. C'est vrai, on sera dans toutes les pièces. Quand on fait des grands écarts, va y avoir du sexe. On fait ça de façon bestiale. Les yeux je suis dans le cosmos, négro Jackie Chan. Jackie Chan. Face à Emma du gang des barbares, tu me fais péter un câble, monte sur la table que je te démonte. Ah, c'est que ça pile à outrance. Je fais pas dans la romance. Je rêve de Ferrari et SC4, je t'apprends l'urance. Je énervé. C'est pas les vrais, Mac John. Connais les primes. Pour le 22 juin dans les bacs, les frérots. Le 22 juin dans les bacs. Le foie de dégueu. On a qui? On a deux H qui arrivent. Le foie de dégueu. Ok. Qui est? Un. On va nous le A puis le 2. Ok. C'est le A et puis le 2. Mané de mané. A deux H. A deux H. Ok. Un. Un. Un. Un. La rue est chaude, je connais les zombies, les soldats. Pendant la dope, les voyous, les grosses armes. Les mômes, la femme et les bonnes âmes. Entre le crack, la violence et les podcasts. Oui, j'ai vu des gens fous, croiser tant de trous. J'ai passé autant de flou, flou, que de gens de chrome. Black et Babdou, perdu dans le flou, la tête dans le blues. Oui, errant dans le chrome. Mais non, y'a pas de movie, c'est la vraie vie que je dessine. J'ai radié de la capitale jusqu'au récif. J'ai pas tout vécu, les frères que je récite. Leur life, la street nourrit mon lexique. Vivant, dans la main, je me sens puissant. J'suis comme tous les autres, je veux pas tricher. On évite de prendre les chemins glissants. Et dans le nord, on peut que prier. Je me sens proche de la rue de monsieur tout le monde. Tête dans la lune, j'ai bien là, tu peux faire le cul de ma wife. Planter le mic dans un mur et là, le bras de gronde. J'fais des masses avec un baluchon, je retranscris dans les textes. Sans retentir dans les tests, les barbes et le tentant. Tous les rêves dans la merde, la même depuis long time. Tu connais la hype, choque la weed et la bouteille. Les flics et les foutaises, mets le son dans la gauche. Secoue la tête comme si t'étais à fond dans la cour. Y'a pas de limite, fais pas le timide, viens taper la pause. Ailleurs de bandits dans les ruelles, ma nègre. Vomis ta soirée dans la cuvette, on ride. Demain à Paris, on a sué, maintenant j'envoie la purée. Et négro, ça va durer, on est duré. Devant les poulets, on a roulé. C'est à ton souhait, ce moment, il m'a saoulé. Il faut une poule à fourrer, une douille à couler. Avec ça, j'peux pas échouer. Marcel, cuite, puis ma suède et mon cerveau, j'fusille. Ouais, ça pue la zeb, ça pue la dèche. Mais on aime rider, fumer jusqu'au cul de la vieille. Diggy Dye envoie la baseline. J'ai des bêtes de phase, du freestyle. J'suis un rêve de femme, j'en pétasse tatouée. Elle veut voir nos gags, elle est papouillée. Mon textile vient du 18. La plume de la banlieue sud, j'suis busy. J'passe des tracks, des missiles, j'veux le cash de 50. J'ai remis vos Fifi, ma nigga. Manu. Oui. Je sais que c'était là. Is back. Répandez la nouvelle. Freddy Krueger is back. Freddy Krueger is back. Freddy Krueger is back. Tous les bandits dans le hood qui jouent les daddy papy, je les élève. Tous les soi-disant MC en sud écrasent lorsque ma voix s'élève. Je fais les dents mon crash, traumatise les poires des élèves. J'emmerde la relève, si tu me vois pas, c'est que je suis un black coincé dans les ténèbres. C'est pas la palace, palace. Ouais, de mon équipe, je fous d'elle. Pour elle, sortir et famas, famas. Ma sur rejoindre Hervé Gourdel. Dans mon crâne, c'est la folie, dans mon crâne, c'est la folie. Ne viens pas à nos polis, n'appelle pas la police. Dans le square, je m'alcoolise, souris en noir, s'antagonise. Le mal nous motopolise, y'a le mal dans la folie. J'ai déposé mon ADN sur les lèvres de l'assassin. En rigolant, j'ai des idées malsaines. Toi t'es un jeune branleur, ouais, quand tu penses à des paires de seins. Moi je suis chez Jack l'éventreur, je me sers du sang dans un verre de vin. Ok, c'est comme ça que ça se passe, pas aïe aïe. C'est tête, on est là. On est à les valeurs qu'on est pas. On est posé à Sky. rien et on est die. On se présente pour le palace M-E-L-U-N. Ouais, on est al. Énervé. 100% du clan Kennedy Juice. Everyday. Balance-nous la prochaine instru à Yann. Non, on est avec Chris Cardier. Du clan Kennedy. Zeymar, Big Up à Red Out Black. T'as autre chose à Yann, s'il te plaît, pour nous. Ah, ok. Yeah. Saleté, ma saleté, saleté. Comme j'arrive, comme j'arrose. Comme j'arrose, comme j'arrive, comme j'arrose. Yeah, yeah, yeah. Comme j'arrive, comme j'arrose. Le monde est stun comme j'arrose. J'ai des problèmes dans la tête et des rappeurs de merde. Tous les Nike comme j'arrose. Bleu, shit marron, bête de rebeu, les chemins de marre. Goûte dans ma dope, bouge la tête, prends la route en vago. Mais avant le vrai, nouvelle air duo sur le bout de mes pieds. Yeah. Coup de batte, coup de bite, coup d'épée. A tous les PD qui n'ont pas voulu m'aider. Siroter ma piste à un coup d'esprit. Venir nous tester. Gardez l'espoir, gardez la pêche, gardez la poire. Viens faire un tour, y'a du bordel et la boire. Y'a de l'oseille à faire, pas de côté la boire. J'ai trop fumé du shit sous les fumées d'usine. Tu vas me payer tout de suite si tu veux du zine. Car je baisse vers la France comme il se doit. Quand Chris n'est pas là, c'est ma comme il se doit. 24 ans, j'ai toujours pas d'or. 24 heures, j'ai toujours pas d'or. Mais je suis le dictateur qui te dictateur. Et tu dictateur, mais je te l'ai pas encore mis. Ça la recette, ça sera le roussi. On peut tout casser, on peut parler aussi. Raffiné comme Léonard de Vinci. J'ai le pop gratuit à Marley aussi. Énervé, énervé. Ta charade. Aïe aïe aïe. Yeah, yeah, yeah. Merci d'être venu. On continue, ça s'arrête pas. Deux spi. Boom, boom, attends, boom, on a qui, on a qui? Ah, Sweet God. Sweet God. Énervé. Oh. Énervé. Qu'est-ce qui se passe dans les studios? Yo yo, un petit son. Énervé. Yo. C'est ça. Yo, ça fait. Yo. C'est ça. Yo, yo. J'kick avant que le rap ne m'enterre. Il fait noir pour y voir, je n'ai pas de lanterne. Il fait froid, je me réchauffe dans les flammes de l'enfer. Si la mort vient, j'accueille avec la vie en l'air. J'en ai marre de m'enfer. Marre des cafards, t'as bien vu mon discours. Il est blasphématoire, du cuban dans mon verre. C'est pas la mer à boire, mon sacrifice humain. Ça fait de la peine à voir, c'est le baiser du vampire. La chante une glisse, j'ai rappelé l'hémoglobine. M'a brevet du sang du Christ, tombé petit dans du vice. Pire qu'Oblix, dans le main, bouteille de whisky en guise de bénite. Vise notre équipe, rime prophétique dans les loges et leur gilet hystérique collective. Le baiser qui laisse un truc comme un fils sauf type. Malade du tourner. Ici les porcs fourmis dans un décor tout gris. Le baiser du vampire c'est la marcheur de la chauve-souris. Je crois que la vie des piquets va croquer donne comme pourri. Fantasme insouvie, ma bouche elle est pâteuse. Donnez-moi du sang, c'est le baptême, elle sulfateuse. Symphonie macabre, ma voix est crasseuse. Je fais ça pour les brebis qui sont égards. C'est les flammes de l'enfer qui vont fondre la glace. Écoute, ah c'est le son de la cage. J'ai trop l'habitude d'être au fond de la classe. Ils sont tellement pétés qu'ils me font de la place. Viens voir, ils sont le fion de la face. Flot de rapace, con de ta race. Une basse, une batte et puis on te tabasse. Il faut que tu me laisses rugir comme un lion de l'Atlas. Sors le champagne, sors les tapas. Petit à petit voir sous forme alias. Sors les tempas, ça va saigner. J'ai vu ma vie qui ardeur, le temps passe. J'ai des fantasmes, ça va payer. Maman, c'est ton fils qui passe à la télé. Viens voir en face si tu joues le fêlé. Venez à deux, je mets des doubles pélés. Pour me freiner, trésor public, vous me le paierez. Bouille de taureau, bouille de bélier. Sur ma petite, les langues vont toutes se délier. Plus de mystère, plus de chier. Y'a des tubes de l'hiver et des tubes de l'été. Non, tu connais pas Swift, c'est un truc de fêlé. Et tu bouges, tu remues ce fessier. Aïe. Énervé. Un, deux, ça fait. Viens nous voir dans la ride. Viens nous voir dans la ride. On kick ça d'assaut, t'inquiète. On balance ça les rimes en gros depuis l'époque frérot. On balance ça, c'est comme ça qu'on arrive d'assaut. Les rimes en gros, Big Up et le Géro. On fait ça sur le tempo. On balance ça plein pot, c'est comme ça qu'on temporise. Balance avec la bonne boisson. Improvisation, des rimes en rotation. Pire qu'une passion, sans la sommation. À la station, on balance ça en impro. Ça sort du Vaucer, que du bien viscère. Tu sais que ça sort des viscères. Avec l'équipe, les MC's ont des boîtes ça. J'arrode, on balance ça, c'est comme ça qu'on kick ça le rhum dans le verre. C'est comme ça qu'on rappe, on fait la paire, on est déterminés. Big up nos potos et nos minos. Faut pas halluciner, on arrive mec jusqu'au sommet. Pour tout déconner, c'est comme ça qu'on rappe, on veut du pognon. Dans les poches, gardez la pêche, les petits font les coches-coches. Saint-Denis jusqu'à Boboche, c'est comme ça mec, on s'accroche. Fais ça depuis l'époque, mec, on n'a pas géchant. On se porte garant, c'est comme ça, style un peu méchant. On fait pas nos courses à Auchan, on raconte tes chants. C'est comme ça qu'on arrive, même si on paiera direct Bréchant. On est chaud d'assaut, balance les rimes en gros. Big up and le Géro, tous nos refrains sous les barreaux. Mec, ça sort du Vousser, c'est comme ça les vrais hétéros. On a les clics, c'est comme ça qu'on arrive, et que de la bonne musique. Les frites en shit, surtout baiser dans les chiottes. Sans parachute, rapper c'est notre but, faut qu'on décapite. Big up toutes les équipes, tous les gens qui sont venus. T'es prévenu, c'est comme ça, le style est bien maintenu. C'est la nocturne, donc faut pas que tu dormes. C'est comme ça qu'on rappe, faut que ça rentre dans ta gorge. On rappe jusqu'à Garche, les rimes en long, en large, en XXL. On balance juste une parcelle, en improvisa. On balance ça depuis l'époque, c'est la ride. Kick ça avec les potes, c'est la ride. Kick ça d'assaut, les rimes en gros, Big Up Jarod. On kick ça d'assaut, Yo sa major qui la bise, à souhait. Yo sa major qui la bise, à souhait. Un, deux. Ok, ok, ok. Ça continue. On a quelqu'un, tu nous envoies autre chose, Ayan? T'as autre chose que tu trappes? T'as un accent pas posé, on va faire passer chacun un tour de table après on recommence. Ok. Qui est bon pour ça? Moi, je suis là, moi. Quoi qu'il arrive. FJ? Ah, ok. FJ. Moi, je suis là dans n'importe quel point. Ouais, vas-y. Ok. Hey, hey. Ok, ok, ok. Hey. Oh. Ouais. Ok, ok, ok. Pas le temps de bouder car personne n'arrête le chrono. Overbooké comme en pleine période de promo. Si tu vises le gros lot, sois bon dans ton bise. Et le bise c'est de faire la bise à des fils de qui ne voient qu'en toi qu'un prototype. Quand t'as mille contraint de niquer tous les pronostics. Pas de petit contrat, je vais devenir celui qu'on craint. Demande à Jarod, impossible qu'on craque. On va chercher ce bif et je te le dis, un jour il tombera. 21 chutes, 22 fois debout. Si t'as pas de pote de toujours, peut-être que t'es une pute. Comme ta meuf, on peut l'acheter puis l'acheter. Beaucoup vivent la vie HD puis l'HP. Par chance, vous nous négligez. C'est ce qui vous rend chum. Le temps c'est de l'argent, donc les pauvres mourront jeunes. A chacun sa réalité. La mienne c'est Zik Meuf 19. J'y ai toujours habité, yo. FG l'entourage. Big up Jarod. Ok. Quoi de neuf? Non. Yeah. Autre chose? Yeah. J'y vais. Shizo. Quoi les fucking bails? Quoi les fucking jeans, man? Yeah. Putain d'époque, même les poulets font de la coke, je te le dis. Y'a plus de respect, ils veulent nous pousser dans la fosse. J'roule un joke au dédicace et au faire tomber pour la cause, manga. Y'a que dans les films que les cons défont de la tôle. Tu parles de fin, mais on est pas d'accord du tout. Indépendance shit, chaque CD sort la corde au cou. J'tape mes textes, mec, depuis l'époque du roux. Protège ta schneck si t'as trahi les codes du crew. Tu croyais quoi pour le rallye sans prendre des risques, négro? Chez nous, l'angoisse, c'est pas que le vendredi. J'en ai vu louer leur entrecuisse. Planté entre kills, quelle que soit ton entreprise, faut que ça rentre en liquide. Je vais faire rider en Porsche Cayenne, mais jamais sans mes gars pour nous de la tôle pour des gros salaires. Cramé sans pied pas, pas venu pour faire le copain. Je vais me caler dans les charts, tu ouvres trop, je parle en all rights. Agression verbale, yeah! Agression verbale, Gava. Wow. On a qui encore? Yeah, okay. Tu connais autre chose, Ayam? Ah ouais, vas-y, vas-y, mon sauce. Oh, what the? Yeah! Yo, check. Je suis le flyman underground. Frappe Zeb, vente de grammes. Ton rap baisse, on te croit, ouais. Clash dièse, on te graille. Mon peura bien plus que du son, c'est ma poésie. Toi tu fais pas les mêmes drips, t'es un faux messie. Pourquoi le rap s'emprunte tant les sons? Pourquoi les femmes se prennent pour des hommes? Mogol les murs ont des oreilles, mais je peux faire hurler le sol. Avec un Glock 17 qui vient de chez Crash, je vais me brûler de zone. Genre notre ennemi viendrait du Sahel, il grève de Jérusalem. Il grignote comme des musaraignes, le règne de Jésus s'arrête. Deux solutions, soit de ces plats, l'oseille du bédo, ou bien de terminer. Il est en chèque, il me rend au sein du ghetto. Je les ai croisés au grec à me faire de belles paroles. Sur le shirk, je fume le shit, j'écris de belles paroles. Je suis à l'ancienne, 0 à 100, je suis comme une F40. T'es comme une mille fin satanique en jupe, je te baisse ta robe. T'emmènes ta pute à Dubaï, moi je l'emmène en Syrie. Ou à BX faire de la MD, en vrai je l'amène en chimie. Mais je peux pas faire une attaque aérienne en 6 litres. Un arabe qui vend de la chute pour de la hnouna comme Cyril, tu piges. Ok. T'as autre chose, Ayan, s'il te plaît? Yeah. Ayan, Ayan, balance-nous un autre truc s'il te plaît. Ok, check, check. Ok, allez, pédé, ouais. Ok, ouais. Ok, yeah. Yeah. Avec le taf, nous on le fait nous-mêmes. Pas besoin de tes stars, de tes phénomènes. Qu'est-ce que t'espères? Tu sais très bien que les punchlines et des points posés sur la caisse claire. En l'occurrence, dans le loin de moi, arrivant comme un coach sur mon dos, comme sur la bouche, avec la longe à Dalsim. Yeah, je fascine, non, je fascine. Si gramme ma technique, je les calcine. Casting facile pour moi d'éliminer des rappeurs, de procéder à des castings et acide. Oui, je suis. Tu me crois pas, demande à mes moines à main. T'as un plan facile, je te suis. Repose en paix, Kadhafi, Mouhamma. Web 4, ouais, c'est la base. Fais le mal à main, on jette dans la main. On jette dans la main, on jette dans la main. Non, non, non, on jette dans la main. Quoi, t'as la main. Putain, plan, j'ai la barre, fais une voice de la barre. On est là pour le bif et le G-Mat. Avec ce soir et lui bien, on est là pour sortir, c'est le but d'anonymat. On se rappe au cordon rouge, toi au champoumi. Je rappe des corbeaux de bouffe, je suis pas au champouli. Ok, on est parti. On se rappe au cordon rouge, toi au champoumi. Je rappe des corbeaux de bouffe, je suis pas de ces champouli. Raf, je t'accorde au cou, je t'accorde aucune tiepi. T'en prends plein, t'inquiète, t'en graisse encore beaucoup. Quand je pense que tu fais le hoche, se coupe les flammes, coupe les pattes. Se coupe les flammes, coupe les pattes. Le coude, coupe les tables jusqu'à qu'il coule des flammes de hanche. Je parle pas, c'est le couille que je place devant. Je m'en fous des classes devant. Faut que j'éclate, que j'y ai le place pour tous vous dégager de là. Écoute ça, ok, je m'en bats les couilles, écoute. Renoir, je vais partir en impro. Négro, celui-là qui veut faire de choses, je vais le bouffer en un gros. Négro, j'ai pas besoin de tirer sur toi ni de t'égorger. Des rabbins comme toi, je les bouffe, bois en une gorgée. Motherfucker, fucker, tu connais le délire. Je vais les baiser dans les caves, surtout pas dans des lits. Négro, faut nier en bloc, même s'il pète en flagrant délit. Tu seras jamais plus stock, même en tapant des lignes. Négro, je tape sur toi, et je tape sur le sol aussi. Je vais les baiser tous les les soirs. Arrêtez de dire je suis trop nocif. Négro, sur le corps de ton grand frère, tu vas trouver les traces de mes gros. Donc quand je prends le micro, et que t'as même pas que toutes les filles sont mes crats. Motherfucker, fuck, je les écrase. Tu connais bien, motherfucker. Tu connais bien mon ananas. Tu n'es pas, tu ne parles pas de fortuna. Hein, tu pas devenir nous tête. Toute ta team reste inapte. Yeah. J'arrive toujours à l'heure, un peu comme Festina. Yeah. Même si t'es pas sorti de la mer, transit ta clé. Pas la même frappe. Impossible notre verre et nous la même app. J'viens pas de la planète Mars, Vitry Rose, ouais, pour la planète rap. Rien ne m'échappe, mon but tu poursuis. T'auras fermé un cadre, mais c'est le souci pour lui. On mange en famille, je vais manger pour lui. Pas dans le panier, même la pomme est pourrie. Non, tire pas sur l'ambulance, tire pas sur le dab. Ils sont la frais, crois n'importe quoi. On leur fait boire de la piste, on leur réserve une fois tragique. On sait tous comment ils agissent. La rue nous voit à ravir. Y'a que l'oseille qui nous ravisse, donc fais nous voir le ralice, ralice. T'es merveille Alice, consomme le calice. Tes yeux te trahissent, on la réserve une fois tragique. On sait tous comment ils agissent, la rue nous va à ravir. Tu pars en pochard, personne passe le bonsoir. Dis à la concurrence, toi seul, elle prend des mouchoirs. T'inquiète, je reviens, mec, vas-y, envoie genre. Ok, check, check. Attends, je t'envoie ça. Ok, ok. On est bientôt numéro 1 sur l'étal. On ment sur moi tous les jours, mais ça m'a pas rendu pâle. Tu perds ton temps, poteau, je suis comme Néo, je vais skier les balles. Challenger, je suis en train de démon sur Paris, c'est ça les balles. On a grandi en chien depuis 2004, on a la dalle. On a fait quelques détours par la promenade et là-bas. Toujours dans les plans les plus foireux, tous diplômés en salle. La rue s'est mise à poil devant moi, donc maintenant j'ai la barre. Gava, c'est ça les bails, faut faire des tunicailles. Si je t'allume en vélo, c'est juste parce que t'es une pédale. Enfoiré. Ok, je connais les bails, ma gueule. C'est le H puis le 2, 1. Ok, à 2H. C'est le I puis le 2, 1. Ok, ok, ça fait. J'entends comme un son de révolte dans les ruelles. On fera la guerre une fois qu'on aura des cuves. Et je prends le micro, j'envoie la purée. Je fais mon travail sur la durée. Ça va suer, ça va puer. Je vais calciner ces enculés. Les rappeurs sont faibles, même adulés. Je tire une latte, tous éliminés avant de recracher la fumée. Réputé pour le kickage de beat hard. Du négro, je brise la nuque du système quand je rime la rue. Ta miss m'a vu sur un feat, elle dit ce type assure. Moi je suis focus sur un spliff, je suis un beau type, j'abuse. Mais cette green shit m'amuse, bah ouais je la kiffe la pute. Je suis hostile quand y'a plus de shit et que la clique m'accuse. Je suis un gosse de la banlieue sud, forêt collée au tiercar. Barbecue et petite garce, NBA sur le câble. Un tas de billets dans le bap, bien sûr mes youf dans le hood. Tu vois la foule qui s'écarte, les poulets fouillent dans la pousse. Malade c'est ride avec les frères et les sœurs. Souvent chargé dans nos autos, vaut mieux esquiver les keufs. Certains sortent de la mosquée fiers de montrer l'exemple. Blasé des mœurs, on essaye tant bien que mal de chasser les creux. Black pas avec nos sisters, tu vas goûter les refs. Nos femmes escaillera, même si à la coupe et les seufs. Papa du ghetto, chérie, dans ma clique belle gazelle. Ça aime faire la fête, encaisse l'échelle, ça sème des plaques et des beurres. Y'a des Clio 1, des Clio 2, des Clio cassés. Et si on sort, c'est qu'il y a la liste, ouais, laissez-nous passer. Les rappeurs m'analysent, se demandent si j'ai brassé. Se demandent si j'ai froissé les petites dans les clips que j'ai lâchés. Mes frangins sont dans la raille, dans une femme, dans un bourbier. Train de vie de ghetto, youth, mes classes sont nos souliers. Nos vestons, nos mix, nos prestations, en quête d'action. Kiffe cette merde à fond, biatch, je donne à bouffer. À tous les wack MC qui pensent que je m'affaiblis. Apprécie le gars qui assassine sa biche en face ici. V'là les signes que je suis le boss, le king le plus fort. Je vous ai tous vu sur scène, putain, je vous pine, c'est du porn. Arrêtez de parler de crack et de bisbee. Ammoniaque et bicarbonate, pour cuisiner le biscuit. Mais ça, tu connais pas, pour de vrai, t'es renégat. Que dans les vidéoclips, sale bitch, putain, c'est regrettable. Balance putain de prod, le même Melin Finest. J'ai 1700 sur la carte, appelle-moi Kung Fu Master. Mais t'es que ce coup de pasteur. J'suis au rap que Nino Brand, ma nigga, et t'as la cité Carter. T'as du pige dans mon bâtard, c'est ton crew qui est en retard. Ça fait, j'ai pas 10 piges d'avance, bâtard. C'est ton crew qui est en retard. Coupe les punchlines en petites lamelles. Je vais peut-être me lancer dans le détail. Les boucs m'ont dit, frérot, l'album est fort. Booster-le au maximum. Fais rentrer la caille, qu'on mette du caviar dans nos Mac Chicken. Je pensais que le rap c'était que du kiff et des pogo. Merci Dieu, puis que j'ai quitté Réo Cro. 10 piges à faire des zigzags, street like, Rizla en persiste dans tes tartistes. Rat, tu connais déjà les G's, ok. M'en voulais pas. Si je m'éloigne un peu avec la zig depuis 10 piges, on joue à je t'aime moi non plus. Tu te prends pour un super héros parce que t'as sniffé de la coke. Si tu veux me soulever, négro, tu sais où me trouver. Négro, où sont passés les CD de rap, faut peut-être chercher au rayon house, électro, etc. Je vais faire un feat avec Winehouse, lol. Je suis un tech, moi, c'est normal que je ricane. Tu l'as depuis les chiffres à l'époque des prêtres, mais qui fracassent des grands frangins, mort en bécane. Grandir sans love, sans handicap, c'est pas ta crête, tu vas te sauver. Les cons défendent pas dans le détail, vu qu'on est trempé dans des rails sales. En mode manchaf, ton graille ça. On passe des mercenaires au Kaiser. On prend du poids, pas de ce qu'à prendre, comment je bicrave, comment je kiffe grave. En ligne de mur, pas ces allures de mardi gras. On va falloir vite remettre des chiffres, oh, vite refaire des clips. Donc je passe le mag à tout suffit. Sérieux dans ces cheese, mon gars. What's up mon négro, ça se passe de l'autre côté de la rue. ou des truands, truands comme dans le film truand. Je suis pas dernier mais je suis brillant. Condamné chez les derniers, le cerveau damé par une vie de bigot. Focalisé sur la façon de faire du cheese. On se déguise pour te braquer en période de crise. On va marcher sur ton terrain comme si c'était la terre promise. T'auras pas encore gobé la pilule quand t'auras déjà mise à la base, racaille de base. Tu connais le blaze, monsieur Juice Green, il sent c'est la base. Dis à la bac, comme d'hab, on est baise. En plus de chocolat que Nestlé, on est à l'aise. Je suis pas allé en zombie, mais j'ai pas peur de mourir. Le destin est funeste pour tous, on va tous partir. Comme dit Pasta, on est des vampires, ouais. On aime traîner la nuit, la journée, on se cache comme des maudits, hein. On est des pirates, comme Jack Sparrow, Raiders, Buffy, Dollar ou Perry, Merco, Benz, Blackberry, meuf pendante, Alice Keys, Ali Perry. À force de fumer du teuchy dans les yeux, on a des rubis. Ici, les bijoux de famille sont anti-pas. Même les skinny négros peuvent s'occuper de toi et de fumer comme une gitane. Instinct de hustler, paranoïa, gang dealer. On broie du noir l'ennemi en tête, négro, on dort d'un œil. On met de côté parce que c'est foire et c'est baveux. Tu peux pas payer quand les coffres te cueillent, joue pas avec ton papier. Dans mon équipe, des Nino Brown et des John Dillinger. Danger, danger, ça se pète à direct à Waponga. On sortira des guns s'ils veulent nous prendre CD. Parce qu'on refuse la défaite et mon quartier réputé. Oui. Et mes petits frères, je t'assure, sont plus des terres que Wamzer. A 16 plus mon du cap là de Fleury à Nanterre. Ok, c'est la main et les mots. Tous dans le bloc, bloc chargé. Rap de rue dans le poste. J'explique, c'est faire des sous et faut en faire vite. J't'explique, arrête de mater son boulet à la 16 piges. Grosse équipe, on déboule à cheval, sabot sur l'asphalte. Grosse équipe, c'est Chris qui pisse sur le pare-brise de la smart. On pète à 10h, pète en force d'être un gros sur la bête. J'suis une bête de pièces montées, t'es une bête de gaufrette. Et les mecs, c'est chaud, comment j'vais les vexer. Ton père en percé, j'faut aussi il joue au tiercé. Tu veux rappeler, faudrait que t'apprennes à lire. J'arrive à pleine allure, éclairé par la pleine lune avec mon proto Ben Ali. J'devais débarquer, j'devais déplacer les MC comme des pions. J'devais dire Kazak, mais c'est les caisses qui jouent mon son. DB débarque quand DB démarque sont sur place comme des cons. J'tape DB débarque de traction sous pression sous le balcon. J'ai le meilleur élève, je n'irai plus en cours, vois-tu. J'mets des coups de patte dans les voitures, ça me donne des putains de courbatures. 8, 4 sur la plaque, j'vois les autres stressés, oppressés, j'leur fous des putains de grosses fessées. J'suis meilleur que toi, dis pas pourquoi. Cette rafale elle est pour toi, oui pour toi. Tu me tues toi, non tu me vouvoies et moi j'tue toi. Wow, j'suis archi chaud, j'sors des rimes d'enculé. Pourtant c'est plus laid, fuck où j'fume mes balles, chichon. J'm'en bats les couilles que vos rappeurs disent que j'dors. Ramène un CDR, j'leur sors un putain de disque d'or et okay. Toujours pas. D'or et de jambes, mais dehors c'est déjà. J'guette le rap comme Adrien Naguette, c'est deux jambes. Donc à partir de là, j'nique l'instru puis j'me tire de là. J'préfère mes deux jambes que la tire dans la. La paix prépare la guerre, qui vole ma paix, j'déclare sa mère. J'suis venu pour baiser la froide, la nocturne c'est ma garçonnière. Fidèle au poste, j'cris des strophes depuis les strophes. Chizo, casse posée sur mon oreille, j'écris mes strophes. Les idées proches de Lumumba, on veut décrocher le bon vin. Et négro, c'est leur qu'on craille, si les taf et nous condamne. Investis dans les organes, les filles de l'Est ou la vente d'armes. Si tu veux peser des millions, le bouscador c'est plus rentable. Les filles adorent quand tu t'entends. Les gold d'or et le champagne. Moi je reviens loin, regarde mon dos et date de Corée mes entailles. Oh wow. Fuck Barack Obama, faut qu'il jette la valetta. La USA, faut stopper le carnage. Enfant des rues, ouais, du gang band à Billy Lee. Rien que je marche dans la night et j'ai du style comme dans Billie Jean. Dieu au keuf qu'à chaque enterrement, dès l'heure on a souri. Pas venu en touriste, faut pas me saouler, j'suis un soumis chiso. Ok, check. Yeah, yeah, yeah. Applaudis les flots de Vélé, applaudis les flots de Vélé. Applaudis les flots de Vélé, applaudis les flots de Vélé. Ok, ah, 75, allez, tu connais les bails, tu connais les bails, ma gueule. On est hard, on est hard, viens à Bordeaux comme un foiré. Applaudis les flots de fée, les 9e zone, la fête est finie. Demande à des je suis décisif, j'apprécie pas ton feeling. Chargé comme un fusil, Uzi mitrailleur, envoie les fusils. J'visais tous ces douilleurs sans aucun niveau. J'pars au décarroté des voyous, j'en ai d'abord plus de moi. J'suis dans le game un peu comme un pervers dans un bar à putain. Non, on est reparti. On se la refait. Ok. Yeah. 75. On est là avec toute l'équipe. Les gens sont venus poser leurs couilles sur la table. Tu connais les bails, ma gueule. Oh, tu connais les bails, ma gueule. Tu connais les bails, ma gueule. Check, check. Applaudis les flots de fée, les 9e zone, la fête est finie. Demande à des je suis décisif, j'apprécie pas ton feeling. Chargé comme un fusil, fusil mitrailleur, envoie les fusées. J'visais tous ces douilleurs sans aucun niveau. Les voyous, j'en ai d'un, pas plus d'un. Moi, j'suis dans le game un peu comme un pervers dans un bar à putain. Débutant, je ne le suis plus, j'ai guetté méga, va buter, j'butais méga, va guetter le manque de blé, nous a parachuté. J'suis le 7, 50 personnes et personne pourra contester le flow. Pour pas finir en loup, quitte à finir en tôle, on fait ce qu'il faut. La voix du mal est super grave, un peu comme celle de Barry White. Tout se passe dans l'œil, j'ai déjà fait fuir des hordes avec gay. Tout est gave, assez des blaves graves, on dit pas, je les avales, cavales sans retourner, salope, galope, y'a mes troupes en aval. Y'en a qui s'inventent des vies depuis tout petit. Et si t'es matrixé, j'espère au moins tu baisses Trinity. Gala, tu connais les bails, ma gueule, on est hal. Tu connais les bails, ma gueule, on est hal. Tu connais les bails, ma gueule, on est hal. Tu connais les bails, ma gueule, on est hal. Mais non, on fera rien même si on allait le faire. Faire, ta poussi c'est comme du papier de verre. Faire, ta fin de carrière on va faire ça pépère. Père, et tu vas pisser par un cathéter. J'ai pas les gars des terres qui se clashent comme des pitres. Une demi-douzaine de minches parce que ça marche comme des huîtres. Et les rappeurs deviennent plus fâchants que c'est que le sinistre. Si je crache le morceau, moi je te mets du dirty freeze. T'as des beats lourds mais t'as aucun talent. Ton seul réseau, je crois que c'est copain d'avant. La façade de la France a peut-être besoin d'un ravalement. Big up aux soldats morts sans qui on ferait du rap allemand. Tous ces rappeurs qui parlent, je me nourris d'eux. Les meilleurs partent en premier, je ne vais pas mourir vieux. Si t'as trouvé Belzébut, commence à chercher Dieu. Sache que j'ai le compas dans l'œil et puis que ça crève les yeux. Le schizophrène a des rimes hors de prix. Je ferai pas de feat avec moi-même car je suis plus fort que lui. Mort de rire, un cocktail en bord de mer. Je me revois 10 ans en arrière. Pendant tout le mois, je mangeais des pommes de terre. Du kamas et des tailles de tease. Du caviar et des écrevisses. Un calache sous la feuille de vigne. Tu caca sur ta fleur de lys. Laisse nous faire. On kick ça sur la version. Avec le son, j'allais enchaîner derrière. On balance ça, c'est comme ça. Aïe, aïe, aïe. Un deux sur le son. On galance ça, c'est comme ça. On garde nos positions. Pas de queue de poisson. Pas des rimes en location. Pire qu'une passion. Sans la sommation sur la station. Laisse nous faire. Ça fait laisse. Laisse nous faire. On balance ça en impro. Laisse nous faire. Ça fait que ça kick ça. Laisse nous faire. Plus si jeune mâle recherche une femelle cavale. Qu'aime les délires, trous de balle, coup de butt, goodbye. Qu'aime tout, tout en mettant partout. Des coups de gland dans tous les trous, faut que ça transpire. Que tu sentes le musper qui s'extirpe. Je les aime facile, pas hostile. Prête à l'éjaculation faciale, insatiable. Impatiente que je lui mette ma butt dans la une. Sur commande comme au snack, tout ça dans ma smart. Ceci sans lui faire un smack. Ma cochonne à moi est polygame. Voudrait qu'on fasse un truc à trois avec Clara Morgan. Aime les sapes Morgan Dior et les voitures haut de gamme. On kick ça, c'est comme ça, messieurs et dames, un, deux. On kick ça sur le son, garçon, on garde nos positions, pas de queue de poisson. On arrive enfouraillé dans le club. Cherche pas, nous on danse pas dans le club. À moins que tu joues les bons bails, tous les mauvais guizgui. Dernier gradi, dernier cosy, tous les refrains de chaisy. Validé parce que j'ai le charme du ghetto. Adulé parce qu'on parle mal sur l'ego. Acharné parce qu'on parle grâce sur l'ego. S'il faut Davido en fuite, on mettra le cap sur les gosses. Cherche un peu de flow, j'ai un disque rayé. Lâche la trappe, je préfère un titre reggae. Théma, un que tu rigoles, t'es là, c'est plus que c'était. J'entends les thunes de la tête et j'envoie le tube de l'été. On arrive en fourraille dans le club. On danse pas, on se fait draguer par des meufs. Y'a la skunk, y'a les dragés pour les xoto. Ça recrute, on paie le trajet pour les zolo. J'mets du style, mais dans le panique. DJ monte la basse, que l'ambiance est volcanique. Fuck les chin-chin et compagnie. Book de la street, t'as reconnu mes grandes canines. Envoie le cheese avant la course. C'est pour ma ville, les Ulysses, toi tu viens d'où? Tu viens d'où? Roule un gros spliff avant la douche. Et comme des merdes, on s'abrutit devant la douche. Posté dans le club, mais du bizarre que mes négros dansent le Murph. Y'a la skunk, y'a des dragés pour les pseudo. Ça recrute, on peut trajet pour les euros. Gangsta shit dans le club. Gangsta vibe dans le club. Le 9-1 est dans le fucking club. Guns up dans le club. J'suis dans ton cave et tu m'as senti. J'ai pris l'inimitié partout. J'ai coffré mes cartouches. Tout le monde m'a dit j'arrête, t'es trop chave ou tu les frappes tous. J'suis pas dans vos partous, encore moins dans vos sales coups. 7-5-0-19, on est nombreux comme les Gendou. Pas les couilles, tu viens d'où? Un, deux, one, two. J'fais des tales qui sont pas halal. Ça m'embête un peu, j'avoue. Ça va être pareil, vous, équipe de foule et calabou. J'suis dans un bail, prêt à te fumer pour la maille. Prêt à te faire un nouvel orifice pour que tu sentes la vibe. Le canon d'un calibre, allonge pas ta huck. Même si t'as fait 10 ans de tôle, on s'en bat les yeux. Fuck les balances, faut qu'ils galopent. Big up si tu touches les allocs. 5 sur un bonhomme, t'inquiète, salope. On te raconte, tu seras solo. J'te raconterai l'itinéraire d'un jeune boss. Le genre de gens. Coup de crosse, jeune boss, jeune boss. J'roule avec des jeunes boss, jeune boss. J'm'entends qu'avec un jeune boss, jeune boss. Anti-SS comme Rick Ross, Rick Ross. Mon gars, bah, j'suis un jeune boss, jeune boss. J'ai la dégaine de jeune boss, jeune boss. Big up à tous mes jeunes boss, jeune boss. Car ils ont un coup de crosse, coup de crosse. J'entendais pas mon gars, c'est des lobes à mon gava. Ils essaient de m'allumer dans le dos, j'arrive même pas mon gava. T'as balancé mes gammes, serre pas la main, t'es pas mon gava. Je devrais t'arracher le brava, c'est pas comme ça mon gava. 7-5, on arrive dans le sous-protège, t'es seuf, on va les wet. Pousse la fonte, ça change rien vu qu'on vise toujours la tête. Tu te fais tirer dessus par le gabarit d'une allumette. Ouais les mecs, tous ces attardés nous guettent. Je laisse ma trace où je passe, man, je suis un genre de Goethe. Ils m'agressent en croyant que je suis sympa, je les envoie terre pas. Moi je leur en veux même pas, c'est toujours eux qui m'aiment pas. On va s'occuper de ton cas vu gava si tu payes pas. Fini terrain, les arracher. Méfie-toi du fit, ils me tournent le dos quand j'ai quitté Wadib. Et maintenant, sus la bite, tous paye. Ils m'aiment parce que je les envoie dans le sky, on sky. Donc direction l'Afrique en mode star. Jeune boss, jeune boss, on l'a avec des jeunes boss. Jeune boss, je m'entends qu'avec un jeune boss. Jeune boss, big up à tous mes jeunes boss. Jeune boss, je connais. Je dérive, je rap. Écoute, écris des rimes de rap. Fantos, c'est l'hymne de la street, poteau de boîte. Ça a mis à la pute, rien, écoute ça. Ok. Nége, nége, j'ai deux SHU, négo, on se connaît. Ça chante tout à l'heure, ok. Ok, ça veut. Négo, dérive du rap, écrit des rimes de rap. Poto c'est l'hymne de la street, l'hymne de l'acte. Mort de hâte de voir ces MC, mort de peur de finir, mort de faim. Au moins tu es comme un requin, faut que j'en morde de plein. Qu'est-ce qui jure, joue avec nos testicules, eh. On sait plus pourquoi tu jacques, pourquoi tu gesticules. Tu restes cool, donc faut que tu restes tranquille. Personne peut tester en ville, donc impossible que tu restes en vie. Reste en vieux mec, j'arrive. Esprit noir, si vision ultraviolet. Ultraviolent, guette le décollage. On en veut pas ta rime dans le ghetto. T'es comme une pute ou travolage. Mystique comme Travolta, limite c'est révoltant. Puis comme une abeille, je lance ma pied, on vit revoltant. Que dire au pire, ça vire au pugila. Yo, je rugis là, nouveau texte, tu te dis rap, t'as et tu suis là. Dans la rue, j'ai fait mes classes, gros, j'ai fait mes classes. En classe, pipe, ça part en casse, t'es. Tu connais. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Arrêtez de faire les durs, vous êtes aussi fragile que les jambes d'Abu Dhabi. Vous n'êtes pas capable de faire une saison entière. Viscère le krypton, tout est crypté. Y'a que le JT de Chazal que tu verras en clair. Le caillou est redu, le reste se défrit comme jamais. Bien sûr que c'est de la rebut, t'as pas à avoir un palace. Si tu ralasses pas le Glock est dans le palais. Bébé quadro, double dos, c'est nous, hein. Ils sont bons qu'à vouloir loner nos gimmicks. Ça fait chaud pas combien d'années qu'ils s'entraînent dans leur chambre à vouloir tester les mapés, bébé putain c'est mimi. Mamma mia, sparé à Miami, à Ferra Miami, à puis danser le mi avec Fry Mia comme le Bayern Munich, mon écran mia, sa mia. Malancin, c'est comme ça, aïe. Je suis un produit de ma génération. Excès de consommation, aïe. Amateur garette, si boisson, jusqu'à expiration. Respiration, manque d'oxygène, transpiration. Un petit négro élevé aux demi-rations. Mise à l'écart, en galère, sans option. Je suis un prototype foutu depuis le départ. Ils m'ont bébard, m'ont servi une vie de clébard. Pour m'en sortir, ils m'ont laissé que les bras. Les petits, les grands, à la recherche du gras. Ventant, gros, négro, t'es jamais perdant. En en faisant trop, voué à déjouer leur piège pour nous écrouer. Saoulé, comme si au pied j'avais un boulet. Y'a plus de temps à perdre, insiste pas si tu vends à perte. Arrête le bis, pourquoi tu te prends la tête? Résister c'est pas la peine, ton avenir est dans la benne. Ils nous ont mis en quarantaine, négro. Du vrai hip-hop pour les mecs à l'ancienne. C'est pour mes gars qui tuent le temps sans cesse au cachot. Du vrai hip-hop pour les mecs à l'ancienne. Rappelle-toi, je suis né pour ça comme la clica. Du vrai hip-hop pour les mecs à l'ancienne. C'est pour nos gars qui tuent le temps sans cesse au cachot. Du vrai hip-hop pour les mecs à l'ancienne. Rappelle-toi, je suis né pour ça comme la clica. Ok. Ça continue, c'est jamais fini. Bande d'enfoirés, bande d'enfoirés. Vous êtes là, vous êtes avec nous. Vous êtes avec personne d'autre. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ok, ok. Mode peignoir flingue, hein. Ok, ok. Mon ghetto est en trois couleurs. Black, blanc, beurre, c'est la demeure. On veut le beurre, l'argent du beurre. Même le cul de la crémière. La cerise sur le gâteau. Même la crème de la crème. C'est pour ça que dans nos ghettos, les fachos et les babylones nous craignent, mec. On n'a aucun respect pour cette putain de société que vous voulez voir en paix. Ok, ok. Quelqu'un, du hey. Les yeux couleurs sang, je m'énerve sale pour un PN100. Sur le champ de bataille, négro, on est les 300. 350 matriculés sur le cœur. En dépit du fait que nos vies précaires déclenchent quand sourit mon cœur. À la bonne heure, je me réveille aux aurores. Faut que je sois le premier des enfoirés sur le terrain, ça prend la drogue. À ces négros qui se moquent de moi tristement. L'un d'entre eux est fini, me dit en vie uniquement. Je suis du camassé, j'ai pas de pour ses buts. Si c'était pour les baiser, ça masse pas la monnaie, reste mon but. La bête des vaillous vaillants embrouillés dans toutes sortes de. Dis-le toi qui parle sur ton sauce, marche sur ton sauce. Dis-le. Je parle comme mon sauce, marche comme mon sauce. Dis-le toi qui parle sur ton sauce, marche sur ton sauce. Dis-le. Tu fais comme si c'était la guerre, mais la guerre tu l'assumes pas. Je compte percer tout seul, demande à l'IMSA. Pour ça que j'écris mes 16 en une fois, j'aime pas les coups de pute, j'préfère mes mains percute, big up à Dixa. Des futurs groupes inès, pendant que les parents s'amusent. Deal est tombé, me relever, teaser, me barricade et s'amuse. J'suis dans la rue, j'vois des condés qui m'observent, défoncé. J'ai du cash pour financer tes obsèques, au fait. T'étais mon pote, maintenant pour moi t'es qu'une donneuse. J't'ai défendu contre plein de gens, j't'ai même donné du buzz. Viens plus me serrer la pince, t'es pire qu'une racle, il faudrait même te faire pousser des ins. J'me désavoue de vous. Mon ami, tu sais de qui j'parle dans l'équipe. J'avais beaucoup d'ennemis, j'piche up. J'suis rongé par la honte en espérant qu'ils écouteront le 16. Tu changes de ton selon le coin, c'est ça le concept. 7-5, funérailles, musique. Les balances sont des grandes bouches pour mieux sucer le fusil. J'parle comme mon sauce, marche comme mon sauce. Parle sur ton sauce, marche sur ton sauce. J'parle comme mon sauce, marche comme mon sauce. Parle sur ton sauce, marche sur ton sauce. Le rap m'a dit, ouais, t'étais où, t'as mis ta vie. Je lui ai dit que j'habite en ville et laisse-moi 5 minutes que je prenne des vitamines. Puis j'balance un freestyle encore plus chaud que la veille. Fais le voir à ta grand-mère, mais pleure pas. Si ça choque la vieille, choque la vieille. J'ai dit choque la vieille à l'affût de l'oseille. Alors on fuck la play, on chope la paye. On est plein chaud pour plancher, planchade. Pied au plancher, planchèque. Les MC au sol, couleur planchade. Pour ça on se lève tôt. 6 du mat, on se gratte les boules et bailles. Voyez-vous les bailles, on fume le coq pendant que les boules et bailles. Pour être connu comme boules et bill, à vous les bites, à nous les bitches. Une dernière petite chose, rien à foutre de où ta bitch. Y'a des bitches, y'a des phases de ouf. Les frères savent, on se méfie du diable. Des rap, des phrases de fou. Tu voudrais me clash, mais vaut que tu te fasses foutre. Si je te la fous dans la bouche, elle sortira ton cul comme un fast food. Et ben ça, vous, je suis comme un chewing gum dans chaque bouche. Les rappeurs parlent des crises cardiaques comme si j'étais tout pas que chaque cours. Donc j'accouche sur l'instru, j'accours. Tu ressens chaque coup de Nunchaku. Meilleur élève absent à chaque cours. Et yo, je te baisse, toi et ton équipe. Gros, c'est ton équipe. Sniff mes lignes de texte en gramme, ton équipe. 1 DB des barques, DB des boîtes, casse, DB des bouches. Tes rappeurs sus, DB des bits, sont DB des piles comme Georges. DB des bouches, ok. J'suis venu vous choquer. Virer les fils de pute de ma liste d'amis et leur connerie de terror islamiste. Qui c'est qui te l'a mis? C'est Chris, bien sûr. Qui c'est qui l'anime? La réussite, le pif, bien sûr. Nique le processus. J'suis amateur, j'veux voir les processus. J'veux voir du gros sur la blessure. Putain de chaleur ici, gros c'est le sud. Chez moi, c'est comme chez toi, les sirènes sonnent en piste jeune. Comme le CM Sun, si elle sort, j'la ramène. Si elle suce, j'la rappelle. Vas-y, tu me fais marrer de ce parapet, j'démarre à peine. Encore un freestyle que les frères se souviennent trop. À écouter dans ton merco quand les souviens trop. Sur un vénergif, ceux qui manquent d'énergie. Sur un vénergif, ceux qui manquent d'énergie. Ouais, non, j'avais préparé ce texte pour l'autre musique. Non, non, là, tu m'as eu. C'est un autre truc, ça. Tu peux me remettre l'autre, s'il te plaît? Vas-y, vas-y. J'avais préparé le texte pour l'autre, là, ça l'a. Vas-y. Tu te foirer. Vas-y, j'ai capté. Tu vas tout me faire foirer, là. Ah ouais. Qu'il arrive. Vas-y, Ayan, je vais rebalancer. Et plancher tout droit dans le mur. Juste avant, je... Ah ouais, ok. Sur un vénergif, ceux qui manquent d'énergie. Pépergive, un flot détergent. Sur un vénergif, ceux qui manquent d'énergie. Pépergive, un flot détergent. Je veux faire le chiffre, libère le champ. L'air suicide que je perds, l'élite de vérité hyper méchante. Gangsta shit, mort sur vipère dans un coup de bébé quand méchante. C'est sur hyper de coupe, Hobson. Plaider contre ce cassage des jambes. Faut qu'ils s'assachent les gens. Vous êtes qu'une escroquerie. Espère qu'on en reste co-cri. À côté de moi, ton ex-copine. J'la rends sex-body, next-next. Pauvre type, t'es hydro-explosif. Faut pas trop t'exposer, t'as pas les explosifs. Maintenant, j'vais partir en impro parce qu'elle veut que j'y vais. J'vais la baiser tous les soirs, Renoir, laisse-moi faire. J'vais les niquer tous les soirs et toute la journée. J'vais leur faire boire les accessoires en lisant le journal. Ils veulent pas nous voir, mais on est toujours hal, toujours ap. Non, pétasse pute, on joue ap. Plus tu rap, plus vous écrase, plus tu raf. Normal, toutes mes faces brûlent, toutes mes traces fument, oui. Toutes tes tasses hurlent, rap contre vous ta sœur. Raf confort ta sœur. À la plage, à la plage. À ma place, y'aura personne. Vos asperceurs de fesses, je vous l'avais dit. À chaque entrée, je vous mets la fessée. La vessie, oui, mon fiette, je te la vessie. Tu sais, c'est gravissime. Le public aime ce qui est merdique. Rap français actuel, Erding. Moi, c'est 2015, Ibrahimovic. En face à que des tables, mon bras dans leur mitch. Laissez par terre, négro. Non, faut pas que je les blesse, faut que je les laisse par terre. Non, négro, c'est parfait. Je vais les enculer, pas l'imparfait. Futur, appelle-moi le feu, négro. Celui-là qui crache dans tes cheveux, négro. C'est celui-là qui s'essuie sur toi. Pire salope, ferme ta gueule, oui, rassure-toi. Tu connais des idées, hold, c'est du motherfucker. Tous les petits deux hold, toujours maintenant dans le corps. Tu connais des idées, hold, motherfucker. J'arrête pas de les traîner. Je vais les baiser tous les soirs. Putain, je vais traîner. Je me suis entraîné à les traîner. Les gros, j'en bats les couilles. Les baisse comme les traînés. Motherfucker, fucker, fucker, fucker, fucker, fucker. Motherfucker, fucker, fucker, fucker, fucker, fucker. Motherfucker, fucker, fucker, fucker, fucker, fucker. Motherfucker, fucker, fucker, fucker, fucker, fucker. Yes, hey, they're all. dernier pour la route. Ouais, allez, hein. Même moi, je crois. Aïe. Ok. Si tu sais pas quoi faire, écoute la mélodie. Un petit peu d'aquatwerk, une séance d'aérobit. Je vois que le niveau diminue, j'entends que des mini-putes. Ce que t'as écrit en 2-3 mois, je le gratte aux chiottes. Même si t'as la gueule de travers, réveille à 5h du matin. Jamais trop tôt pour faire des affaires, car c'est bien mieux que de faire le parpaing. Tu dis que la souffrance est nécessaire sur le chantier, soulève des parpaings. Voir les sourires de tes soeurs et frères, ramener des cadeaux sous le sapin. Tu travailles à la sueur de ton front pour un salaire de galérien. L'intérieur de ton frigidaire, c'est un désert de chips aéliens. Au fond de toi, tu dis que ça fait rien, que ça fait mal, mais que ça va passer. Et tu fais comme si tout allait bien. Tu dis qu'il ne faut pas se tracasser. Un emploi du temps harassant, tu cours sans cesse, y'a l'oseille devant. 15 mètres carrés dans le 9-300. Tu ne vois même plus le soleil levant. Tu te sens déjà affaibli. Tes deux mains sont tachées de sang à force de côtoyer la Zermie. À 25 ans, toi t'as les cheveux blancs. Et tu vois passer le temps. Et tu vois passer le temps. Les anciens t'avaient averti. Tu feras rien d'autre que brasser le vent. T'es entre le petit et le grand. T'es entre le noir et le blanc. Un verre de verre, trois verres de whisky. À la fin tu t'es noyé dedans. Dès que je sors du studio, c'est de la bonne. Les projets sont masterisés par Greg Garson. Si ton destin se dessine, je le gomme. Je m'amuse à compter les secondes en attendant qu'on sonne. Mon son à regard glacial et sévère comme Joe Jackson. T'as pas de calage dans le jet, yo. Petit stop t'es dit, skate sur entraîné comme Van Damme sur la Z. Bête, yo, compose le 17. T'as pas de projet qui sort, ta vie. Tu rêves de la terminer au Hilton. Ok, mais se finira comme la femme de O.J. Simpson. Merde, je suis un putain taliban cannibale qui traîne dans les rues de la capitale. Ouais, pour chercher de la graille. Je suis plus dans la rage, je suis dans le futur. Ouais, je fly comme Kenny South Park. Je reviens dans la partie si je die. Die, nigga. Comme un sapologue après 2-3 appels fort. Yo, il faut un psychologue car des démons m'escortent. Palace, ah. Bébé quattro, double dos. Ok, ça fait. Ok. Ok. Ok. Après. On les baise. On les bah. C'est le bébé quattro, double dos. À la base de débats, on débarque, ça y est, ils en parlent tous. Savais très bien que j'allais les baiser solo ou bien avec mon équipe en partout. Tu fais chaud parce que t'as pété des questies. Qu'est-ce que t'as, tu cavales quand y'a les kistés. Tu sais très bien qu'on danse à Haïti. Traîne avec les négros discrets, mais toujours pistés. Parle pas, ça va se retourner contre Watt. 94 220 watts, la vedette vous les prise. Vous passiez vos journées à taper des arbats, à taper des arbats. J'ai baisé des carbats, tous mes gars sont marbats. À deux doigts du pare-balles, les rages sont en masse. Faut se couvrir, j'veux le trophée, pas le revers de la médaille. Guerrier, pas de bataille, qu'est pas ça. On licote ton corps, fais perdre le classe. Ton corps fait perdre en classe. Sans pression, le redonne à ta maman. Sale pétrière, tu trouveras la pitié. Profite, tu ne trouveras pas ça chez nous. Insolent, demande à crapulac. Direct dans la teuté, ça vise pas les genoux. Manek, manek. Manek, manek, manek, manek. Manek, manek. Aïe, aïe. Skinny négro, pretty flaco. J'suis un vrai négro, j'suis un vrai blaco. Baf African Dream négro. J'suis en direct live de la Bado. J'bosse dur dans ma basse comme un 6 gros qui taffe la dope. J'suis un visionnaire, j'vois loin, j'ai du flair autant qu'un chien douanier qui renifle la coke. Tu peux m'appeler le docteur Guerro. Ce n'est pas des soins que j'prépare, c'est des robots. Bandana blood guerrier, mandingue, foulard noir et blanc comme mes rebeux. Paris sous les bombes, j'vais sauter la ville. Vas-y, fais le 17, vas-y, fais le 18. J'suis un guerrier, mandingue, prêt pour la guérilla. Arme de guerre, militari. La météo annonce un sale temps. Pute lyrique, c'est de bastos. Malgré les gilets, les têtes sont touchées. Les cadavres humains sont ramassés par 12. Le sang se mélange aux flaques d'eau. Ça fait des jolies flaques rouges bordeaux. Et le reste des cervelles humaines finissent dans des jolis flacons. Tu peux m'appeler le phénix quand je passe dans le ciel. Je laisse tomber des jolis flocons. Des jolis flocons de feu négro. Demande au chevalier Ika. Tu peux m'appeler le phénix quand je passe dans le ciel. Je laisse tomber des jolis flocons. Des jolis flocons de feu négro. Demande au chevalier Ika. On s'en bat les couilles mon négro. On va les écraser comme des mégots. Dans le cendrier, c'est des cendrillons. Je me mouille même pas, j'envoie mes négrillons. Eau de vapeur, odeur pilon. Citron, Sprite, Mojito dans le dilon. Tous mes négros sont parés, gunés, préparés, prêts à tirer sur ces bouffons. Bang sur ces bouffons. M'empêche pas de récupérer ce qui est mien. Musique m'intéresse, négro, c'est les points. Ta mère la choix extendue et le chien. Pas de machine arrière quand parle le machin. Bang, bang, bang, bang. Tous Tous mes négros savent comment on fait des choses dans la tête. Manque de respect, négro, rest in peace. NVR, Nigrice, risk business. Défend ta race, on baisse les yachtness. M'empêche pas de repos, je vais pas manger. Tout est là. Faut que tu changes ça, Yann. Mais là, frère. On va s'en refaire un petit dernier tour. T'as autre chose? J'ai l'oseille en liquide, découpé, pesé, emballé, livré. C'est comme ça qu'on procède dans l'équipe. Raconte dièse dans l'équipe. T'es quoi? Renoir, m'appelle Benoît. Pourquoi? Parce que la cesse des litiges. Je bénisse mon mic, je bénisse ma ville. Je me rase pas la barbe, ça me donne un flow d'islamiste. Quand j'analyse, ton rap est indigeste. T'as beau tromper tous les flots, t'en maîtrises pas un dixième. Tu connais les Peinard comme un antillais. J'pédale juste avant de kicker. 1, 2, 1, 2. J'm'écarte des aventuriers. Master, rancunier comme un enculé. J'suis enculé. Amène-la dans mon auto. Fais-la sucer tous mes potos. J'm'en bats les couilles qu'elle prend pas la coco. La coco, la coco. Tu connais, motherfucker. Motherfucker. Je veux niquer tous ces rappeurs pisseuses, frère. Enculé, comment tu veux qu'ils puissent mieux faire des idées hardcore, c'est impossible qu'ils puissent mieux faire des idées hardcore, c'est impossible qu'ils puissent mieux faire. Ce rap coup de pompe, je te l'ai dit déjà. Vous êtes là ou pas? Je vais ton père, je te l'ai dit déjà. Écoute ça, écoutez ça, comment je vais découper ça. Écoutez ça, comment je vais découper ça. Écoutez ça, comment je vais découper ça. Ne comparez pas à tous ces carbats, il est beaucoup bizarre. Écoutez ça, comment je vais découper ça. Écoutez ça, comment je vais découper ça. Écoutez ça, quand je vais découper ça. Ok, c'est le coup de pompe qui ne peut pas encaisser tout le monde. Transpercez vos poumons avec ma réalité nocif. Pute vos culs, c'est nocif. Pute recul, tester, c'est pas possible. On est des lions mis en cage. On veut des lions mis en cage. Pas finir avec une trêve que tout le monde lui a mis et qu'elle le cache. Pas finir avec une trêve que tout le monde lui a mis et qu'elle le cache. Quelle la revue, une machine Afrique. Prends les thunes et barre-toi bien vite. On raconte hop de la merde aux petits. On fait des trucs qui sont interdits. Pas pour la gloire mais pour le pécule. Gava arrivant, tu sors de ta bulle. Gava t'as tellement c'est pour t'as même plus de brava. Hamdoulilah tant que tu recules ça va. Les Schmitt ont pété ma paye. Les haines ont pété la taille. Mais Ali j'ai plus de thunes que la veille. C'est toujours fuck ton rap de lance-balle. Les grosses cafous s'en sortiront pas. Tu crois que je t'ai oublié, je pense à toi. J'avais juste 2-3 trucs à régler avant. Juste avant de mettre les gars avant. J'ardénerve vous son j'tard à bon. Toujours hal pour un vrai plafond. Tu fais le chelou, tu prends des coups. Peut-être des balles, pas de Savastano chez nous. Ramène ta beuh, y'a pas de galère. A tes cales de spi comme de la S non Pécou. Ça piquette fort dans la cave. Mes gars me répètent une phrase car ils savent. J'arrête, lâche pas l'affaire, t'es un brave. À part la mort, rien n'est grave. Mais les gants, ce que cage, monte sur le scout. J'dis câble, les chemises, j'arrose et j'n'achave. Ok. Big up, tous les gars vu qu'ils sont venus, franchement. Merci, c'était chaud à vous tous. On s'est fait une petite heure de freestyle. À Jarod, motherfucker. Qui a réuni tous les fantastiques. Gars, voilà, que les bien, fantastiques. Mort. Merci à Skyrock de nous avoir reçu. Merci à Fred Major qui la bise. Merci à toi d'avoir organisé ça, tu vois, c'est cool. Merci à toi, Jarod. On a essayé, en tout cas, ça s'est fait. C'était l'état d'esprit qu'on voulait, en tout cas, compétitif. Ouais, ça a fini par se faire, ça a été compétitif. C'est du kiff pour nous. Et on espère, on s'en refera peut-être une un de ces jours. Et vous retrouverez des organisateurs, c'est ça, mets moi ça sur le dos, tu vas voir. On va me dire ça toutes les semaines. J'en profite juste pour dire que t'as vu, moi je sors ma compilation Big Craft Tour le 22 juin. T'as vu, disponible partout. Voilà. Téléchargement légal sur j'achète hip-hop.com. Yes. Tu connais Fnac. partout. Yes. Tu connais ou pas, donner de la force, du respect. C'est ça, voilà. Les bails. CV, CV. Néo Musique. Merci à Jarod. Lourd, lourd. Juste rappeler que les images seront prochainement dispo. Hein, de... Ouais, ouais, les images vont être disponibles dans quelques jours du freestyle. C'est Zephyr et 5M qui ont fait ça. Donc, ça va être là, là, sur la chaîne YouTube Jarod officiel. Donc, allez vous abonner. Vous inquiétez pas, vous verrez tout. Dédicace, Sosa da Chuta, mon gars. Sosa da Chuta. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci. Tour de table les dédicaces, gros dash. Je vois que tu as Major qui l'habille. Je passe bientôt de gang à la muerte, vèche de gang à la muerte. Bientôt une nouvelle mixtape, Grodage versus Mr. Chisel, ça arrive très sale, ça tue. Cours en juillet, ça va être la boucherie maintenant. Merci hein, Chris Cardiac. Tous les mecs au placard, là. Tout le hein? monde, Ayou, Boumar, Walid, Niguiz, Mouret, tous les Renois, tous les Rebeux, tous les Babtou qui seront enfermés. Les frérots, tenez bien le coup, les frérots, on est là, on donne la force. Brahim, mon gars, que des coups de pompe partout, que des coups de pompe partout, on arrache tous les dos. Négro, des grandes dédicaces à Jarod qui a encore réuni tout ce bordel. Merci à un gros big up à Red Out Black. Dédicace à mon bad game, motherfucker. Et pour me retrouver, c'est D-I-D-H-A-2-L, le monstre qui arrive bientôt. Appelez-moi le feu, je vais tout cramer. Bonjour à tous, bienvenue. Brahim. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Invitation, les gens ils viennent, ils kick. Voilà, voilà, il y a eu du niveau. Il y en a qui sont pas venus, c'est pas grave. En tout cas, le caméléon était là. Bim. C'est un plaisir de travailler avec lui. Ça fait grave plaisir. Shout out à tous mes gens du sud, du 84, Avignon, Marseille, Arubas Beats, Eurinom Music. Shout out à tous Red Out Black, Valentin, Jihad, Driss. Merci à vous tous, merci pour cette merci nocturne, à toi, merci à Jarod et à toute l'équipe. C'était la grosse session freestyle, vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Skyrock et la nocturne qui continue. Ciao. Planète Rap, 100% rap français. Allez, c'est reparti pour son de la nocturne après ce gros freestyle 100% rap français. Et il y a eu beaucoup de sorties, il y a eu beaucoup de sorties aussi cette semaine dans le rap This Is, Big Flo Oli, Medine qui est sorti aussi. Et Black M, ça arrive lundi. ICC, Paris. Ça arrive Paris, ICC. Lundi, après le retour de Lefa, écoutez maintenant ICC. Black M en live. Et puis après, session nocturne pendant une heure encore. Vous êtes prêts? Envoyez des messages. Allez leur dire. Allez leur dire. Allez leur dire. Ramenez-moi vos émirs. Tout le monde fait. Dis ton Qatari que moi Tibé vient de Paris. J'entends rien. Peu mieux faire. Là c'est bien. Dis ton Qatari. Tout le monde. Ramenez-moi vos rois. Je vais retourner l'endroit. Ramenez-moi vos rois. Je vais vous faire marcher droit. Ramenez-moi vos émirs. Je vais remplir tous vos zéniths. Ramenez-moi vos émirs. Dites-leur qu'il commence par la 9ème. Là où l'homme, tu ne peux pas le raisonner. Kick depuis l'époque dans la zombie. Pas le genre à très rond à la zombie. Marche, casquette à l'envers. Y'a pas eu que des clips dans le square d'envers. Paris, Denja, la goutte d'or qui fait déborder le bajon. Écoute-moi, trop de clichés. La même merde jusqu'à place de Clichy. Méga figé, obligé de kicker. Montrer que je peux les monter en l'air. Wesh, triqué, crimé, cambré. Dites-leur pas de mec en vrai. Paris, Denja, Dawala, dealer. Tout le monde fait. J'entends rien. Peut mieux faire. Là c'est bien. Dis-toi Qatari que j'en suis juste Qatari. Ramenez-moi vos rois. Je vais retourner l'endroit. Ramenez-moi vos rois. Je vais vous faire marcher droit. Ramenez-moi vos émirs. Je vais remplir tous vos zéniths. Ramenez-moi vos émirs. Olympia. Tout le monde fait. Père. Tapez dans vos mains. Paris, pas Arlène. Poste en Mathieu Salem. Fais kiffer mes aliens. Poste en moi tu zones ton ennemi, on le malmène. Ici, même avec tes gros bras, tu finiras vêtement fatigué. Tout ce que t'as physiquement ici, on te le masque avec un billet. Monde aux mecs de ma table qui se sont tous déjà éparpillés. Si ta bouteille fait des étincelles, ça veut pas dire que t'es né pour briller. Tout le monde fait. On est reparti Olympia, on est reparti. Ce n'est que le début du concert. Écoutez-moi bien, je vais monter sur ces marches pour voir si vraiment tout le monde saute en même temps. À mon top départ, je veux qu'on retourne l'Olympia. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, tout le monde saute. Puisque c'est ça qu'elle aime. Boston, Mathieu-Salem, c'est Paris, pas Harlem. Boston, Mathieu-Salem, fait kiffer mes alliés. Boston, Mathieu-Salem, ton ennemi, on le malmène. Stop, stop, stop. Ce n'est pas fini. Ce soir, cracheur de feu, danseuse du ventre. Hey, s'il vous plaît, le côté droit, tout le monde la main en l'air. Tout le monde la main en l'air. Sous-estimer le black ne fait plus jamais ça. Sinon je te fais payer le triple comme un jamais. Oh oh, oh, oh. Sous-estimer le black ne fait plus jamais ça. Sinon je te fais payer le triple comme un jamais. Non oh oh. Le côté gauche, tout le monde la main en l'air. Sous-estimer le black ne fait plus jamais ça. Sinon je te fais payer le triple comme un jamais. Non oh oh, oh, oh. Sous-estimer le plat ne fait plus jamais ça. Sinon je te fais payer le triple comme à jamais. Oh oh, oh, oh. Stop. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. AWA, c'est la crème. C'est quoi? C'est la frappe. C'est sorti cette semaine aussi, la crème. On vit certes que de la frappe. Les corps. Fils de pute, tu es surinté. La juge et les stupes m'ont raté. Si les trois, je sais piloter. Monsieur la crime est culotté. Frère, tous les feux sont verts. Molly dans son verre. Tu la viscères, elle va te sucer jusqu'en enfer. Je compte et je compte et je compte. L'oseille, c'est mon ami. Y'en a dans ma rue, dans mon jardin et dans mon lit. Baby, love me. Comme un amant. J'y cacherai quelques diamants. Voler la vie paisible, ouais, mon frérot. Je n'ai pas pris la bonne décision, j'appelle le prix. Tous les jours, le bif c'est le nerf de la guerre. Tous les jours, l'oseille que tu crames tous les jours, il n'ira pas s'envoyer. Jette tes billets en l'air. Jette tes billets en l'air. Jette tes billets en l'air. Jette tes billets en l'air. Jette tes billets en l'air. Chargé sur le périph, bullshit c'est mon délire. Capuché dans le café, mon billet de 500 et ma tirelire. Chez moi les petits sont tous vénères, veulent pas taffer pour 8 heures de l'heure. Valide cash à 3006, t'as pris 12 000 en un quart d'heure. Dis-moi pourquoi vous lavez la lumière si t'es comme un aveugle dans la nuit. Donner son cul ou ses su, moi ça n'est pas mon avis. J'ai dépensé toute ma vie, on n'est pas des crevards. C'est que du papier, on est des hommes, l'argent nous sommes le fait. Voler la vie paisible, ouais, mon frérot. Je n'ai pas pris la bonne décision, j'appelle le prix. Tous les jours, le bif c'est le nerf de la guerre. Tous les jours, l'oseille que tu crames tous les jours, il n'ira pas sans terre. De l'argent c'est un bonheur. Assez, assez, je sens les champs derrière les classés. Charbon, charbon, j'ai le cœur chaud, le sang glacé. Ce soir t'envoies tout en l'air. Mafia, man, mafia, man. Planet Rap. Nocturne. Sur Skyrock. Nocturne. This is. Allez, mon vieux, tu me reconnais? Au volant d'un monster truck, pilule rouge sur le cabochon. Gros cylindre, roue de tracteur, et j'appuie sur le champignon. Hein, maillot carte anglais, OM6 singe, je lance des bananes pendant que le rap est en guerre. Pas tranquille, je fais une balade. Boîte de nuit dans les voitures, celui qui danse pas, on le pétasse, ça tremble dans tes chaussures. Le souffle des subs éteint, ton pétard roule vite, laisse les vitres, fais des cercles avec ta hookah. J'ai le vaisseau de Han Solo, t'as celui de Sangoku. Fais danser ta voiture, hein. Fais danser ta moto, hein. Fais danser ton bureau, hein. Fais danser tes poteaux, hein. Si t'es à pied, imagine que t'es en. Automoto. Si tu sais pas parler français, il faut que tu sais danser. Que tu sais danser, que tu sais danser. Hein. Quand je pose, même le micro est content. S'il avait des bras, il ferait un selfie. Rap machine, rap bien depuis longtemps. La loupe de l'instru meurt en arbitre. L'instru est tellement gueudin que je pourrais rapper n'importe quoi. A chaque fois que t'entendras ce son, je suis sûr que tu feras n'importe quoi. Ghost Rider comme à Auckland, tu marches à côté de ta voiture. Ghost Rider comme à Yonkers, on s'en fout de rayer la peinture. Flow hydraulique, je te fais danser comme une No Rider. Ta tête dit oui, oui, oui, oui. Depuis tout à l'heure, on dirait un asile de fous. J'en vois qui font du air guidon. On s'arrête sur l'air de l'autoroute. Bien sûr que de dinde et le jambon. Fais danser ta voiture, hein. Fais danser ta moto, hein. J'fais danser ton bureau, hein. J'fais danser tes poteaux, hein. Auto-moto. Et même si t'es à pied, imagine que t'es en. Automoto. À l'arrière j'ai ma petite sco, des rappeurs dans le rétroviseur, plein de logos sur Perfecto. Trop de flow, j'suis un abuseur. La nocturne. Je les vois dealer devant l'école, filer et faire les cons, brûler des bagnoles, fumer du chichon. Enfin tout ça, je l'ai vu à la télé. Je les évite en ville, apparemment ces gars sont fêlés. Aucun respect pour les profs, ça se moque du monde entier. Quand ils ont leur diplôme, ça finit en tôle ou sur les chantiers. La main crispée sur le portable, quand je prends le métro. Quand une voiture dérape, c'est toujours eux dans le rétro. Des journées sur des bancs, car ils sont tous au chômage. En écoutant du rap, leur musique de sauvage. Ça traîne et traite les flics M, puis frappe les filles, ne freine jamais devant le défi. En garde à vue, ces mecs défilent. Basket, survêt et casquette à l'envers. Ils font tout le travers, leur revolver remplissent les faits divers. Ils errent, et c'est les gangsters qu'ils vénèrent. Et hier, sur mon mur, ils ont écrit en clair: nique ta mère. Ils ont écrit: nique ta mère. Ouais, ils m'ont écrit: nique ta mère. Mais moi, je peux rien dire. Non, moi je peux rien faire, pourtant ils ont écrit: nique ta mère. Ouais, ils m'ont écrit: nique ta mère. Je te jure, ils ont écrit: nique ta mère. Mais moi je peux rien dire, comme d'hab je dois me taire, c'est ça. Déjà le lieu, une cité où les rêves se brisent plus vite que les vitres. L'ennui fait que l'avenir s'effrite plus vite que le shit. Un triste domicile à une heure du centre-ville. Du béton, du béton, du béton, du béton. Maman ne parle pas trop français, ils sont seuls en classe. Trop cher les cours particuliers, voilà pourquoi elles se ramassent. Voilà pourquoi elles écoutent moins la prof que leurs écouteurs. Les punitions attisent la haine, alors ça sort les cutters. Voilà pourquoi pour se calmer ils prennent un peu d'herbe. Un peu d'air, mais l'air est pollué. polluée, ça sent la mort et la guerre. Dans la rue, les grands frères roulant BMW qui ne se sentiraient pas attirés par l'odeur du billet. Voilà pourquoi elles deviennent dealers, que ça commence à foirer, parce que vos fils cherchent toujours de la beuh pour leur petite soirée. Ouais, à l'école tout est bon, la maman croit le fiston, mais lui ramasse les bifetons. Mec, c'est dur sans piston. Malgré tout ça, la plupart gardent la tête froide, tiennent le cap, boss décroche le diplôme et cherche du taf. Ce que le patron lit dans les journaux l'aide à faire le tri, donc c'est un qui fait une connerie pour mille qui en payent le prix. Voilà pourquoi chômage, voilà pourquoi ils abandonnent. Putain, c'est trop dommage, on les traite pas en tant qu'hommes. Contrôle musclé à longueur de journée par les mêmes agents qui les ont vus grandir, parfois même plus que leurs propres parents. Alors ils en peuvent plus, un crachat, une insulte perdue. Les flics n'attendent que ça, voilà pourquoi garde à vue. Dans la cellule couchée, la vie a un goût amer. Ils trouvent un crayon par terre, voilà pourquoi, voilà pourquoi. Nique ta mère, voilà pourquoi. Nique ta mère, voilà pourquoi. Nique ta mère, c'est tout ce qu'il reste à dire, c'est tout ce qu'il reste à faire. Égalité, fraternité, on n'y voit que des larmes. Allons enfants, aux armes. Beaucoup de haine, beaucoup de peine, un peu de peur. La France n'a pas de couleur. Nique ta mère, voilà pourquoi. Nique ta mère, voilà pourquoi. Nique ta mère, c'est tout ce qu'il reste à dire, c'est tout ce qu'il reste à faire. Frère, égalité, fraternité, on n'y voit que des larmes. Allons enfants, aux armes. Beaucoup de haine, beaucoup de peine, un peu de peur. La France n'a pas de couleur. Big Flo, Oli dans les bacs, dédicace aux frangins, aux Toulousains. L'album est bon. Dans un instant, on retournera aussi à Toulouse avec Bouchy, qui nous a délivré une boucherie. Petit jeu de mots simple de Nocturne. C'est 100% rap français, j'espère que vous êtes calés. Il y a Médine aussi, ça c'est les sorties de cette semaine. Big Flo, Oli, La Crime, This Is, Médine. Une belle semaine pour le rap français. Rap. 100% rap français. Vous avez rencontré un artiste du Havre très connu sur les réseaux sociaux. Il a utilisé énormément Twitter. Il s'appelle Médine. Il est rappeur et il a mis en ligne début janvier un morceau polémique sur la laïcité qui n'a pas très bien été compris. Il a débuté dans la carrière par une apologie musicale des attentats du 11 septembre et de Ben Laden. Il s'est donc retrouvé interdit d'antenne. Page 32 de Marianne, justement, et un autre papier, les sales voix du djihad, notamment, vous citez le rappeur Médine qui se produisait de plus. Ce clip, parce qu'en fait, on s'aperçoit que le marketing du djihadisme aujourd'hui est assez. Rendez-vous dites, il parle dans l'absolu, ça n'est pas vrai. Ces vociférations, je l'avoue, m'inquiètent. Son rap, à mon avis, joue avec le feu. Qui trompe sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. On cherche la vérité, on veut pas de la charité de ces philanthropes. Y'aura pas de cabine du V au paradis des quartiers, ni dans mon cercueil. À d'autres doigts de favoriser le fusil canoncillé, alors bulletin de vote. Alors plume. Encre. Bite. Sample. S'éteindre. Ou s'étendre. C'est la mentale d'Inri Cords, on marche sur les traces de la motan. Sale sac en arte. Poulet trousse. Du rap vilipendé. Rien à foutre. Les trompes ligaturées. Ils ont tous. On écoute pas mes couplets. tu sais. Mon nom, je sais, tu sais. Mickaël Rebou. Mickaël Rebou. Le rap, tu l'as créé. Le rap, tu l'as créé. Moi, je l'ai reboot. Reboot, reboot, nul n'est censé ignorer les lois d'Allah. Le temps est une créature comme le trône du diable. La vie de rue c'est pas une telenovela. Stop. Qui distribue les bons et les mauvais points sur la planète Terre. Stop. Qui juge réglementaire les tailles de jupe à Charleville-Mézières. Stop. Fini les bails de Bigos. Fini de beurre et leurs biscottes. Mon EP ne sort qu'en digital mais ne me paye pas qu'en bitcoins. Purée le bitcoin, comme une tape, pas de ronde à rousser. Et rappé hybridé, j'ai la bobarde de risque à sous les sourcils de mon carrossé. Je sors du carrossé, j'étais tout cabossé. Nouveau flow, logiciel, je n'ai plus qu'à bosser. Comme Alivor, y'a plus qu'à boxer. J'ai créé ma porte, je n'ai plus qu'à clencher. Pied au plancher, je ne crains pas le danger. Comme une voiture ouvreuse qui roule vers danger. On s'est fait flasher en sortant de la mosquée. Malige, 3, 2, 1, ma mine est enclenchée. Salsa Konate, Salsa Konate, Boulet Rousse. Du rap vilipendé, j'en ai rien à foutre. Les trompes ligaturés, ils ont tous. On n'écoute pas mes couplets, on les réécoute. Je vais les Eric Sermonné tous les jours. Mon acolyte diamant, c'est, ouais, c'est mon tout. Mon ange, c'est dissé. Mickaël Rebou. Le rap, tu l'as créé. Moi, je l'ai reboot. C'est pour mes wiggers et mes niggas, Rems et Brave et Julien Dollars, Omar Chicano, Général et Adams, la Don't Panic Team et Naïm Von Peebles. Mon prénom Medine, c'est l'anagramme de Demi. Mes frères veulent tous mourir muslims, avec des funérailles de vikings, vikings. Tout ce qu'on veut c'est squatter le Firda, où c'est que nos mille femmes viennent. On veut pas mourir pour mille femmes vierges, mais on veut survivre pour bien mille feuilles vierges. Venu en quitte des US. Ta carrière est ubuesque. Tu gaspilles l'oxygène. Vas-y, pars dans le burlesque. Tu crois que t'es chaud, tu crois que t'es d'art. Tu te crois dans Sons of Anna. Tu te prends pour Kendrick Lamar. Ici t'es qu'un âne, on t'appelle Kendrick Lamar. J'ai pas tout saisi de ce déchaînement verbal. Il faut élargir la question. Le rap est, à quelques exceptions près, il y en a, je reconnais, un véritable dégueulis verbal d'une violence extrême. Oui, après 4 albums solo, Medine n'en est pas à son coup d'essai. C'est un rappeur engagé, volontaire, sûr de lui. Et quand il rappe, forcément, eh bien, il provoque. C'est un peu le jeu du rap. Il ne mâche jamais ses mots. Il défend ses idées, une grande société du vivre ensemble. Alors aujourd'hui, Medine, 31 ans, Mazéwal. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Smoker de retour. Chez la ICT, chez la ICT. Remix mon pays. Chez la ICT, chez la ICT. Ouais. J'remplis le créé. Enveloppé de Kevlar, ça va très vite. J'roule ma weed, j'veux tout se goupille. Frigo rempli, mieux ton dernier Gucci. Adieu mon pays. Notre gang, chez la city. Tous les jours au charbon, j'fais des yippies. Ma meilleure conseillère, c'est ma sensi. La rouge lui prouve fignon, elle est sexy. J'les relève au second rôle comme le Pepsi. J'suis entier, j'veux la belle fille. AK-47, mon doigt est à la précise. Adieu mon pays. Adieu mon pays. Chez la ICD, chez la ICD. Adieu mon pays. Chez la ICD, chez la ICD. Adieu mon pays. Même plein, je trouve toujours le moyen de tout partager. L'équivalent d'une année de mix, c'est les dans chaque sachet. Mes rêves en morceaux, je ramasse les débris. À vous souhaiter le pire, je me détruis. Le rap, le snes, ton cœur balance. Tu sèches tes heures de stud, t'es sous la phalange. Les retours rabattent à Paris by night. Je la fais monter sur du QB, elle voulait Brian McKnight. Smoker, c'est le bitume à son paroxysme.

100% rap français. Devine qui revient. Devine. C'est des démocrates. Dès qui revient. Black Jack. Viens, devine qui revient. C'est Black Jack. La jeunesse en pense, à part que les jeunes préfèrent faire beaucoup d'argent et monnaie cash flow. Regarde ce que la jeunesse en pense, pense, à part que les jeunes préfèrent faire beaucoup d'argent. Attaque, je m'adresse à ceux qui me comprennent mieux. Quand je parle aux jeunes, bien sûr ils me prennent pour vieux. À se demander si les collègues ont droit de la force, au point d'apporter un gars. Tourné de ma vie, maintenant j'ai des gosses, une femme, une famille, plus d'amis. Mon quotidien rime en minutes, aux simples cloches de la pendule. Il suffit d'être vendu pour être évidemment suspendu. La jeunesse en pense, pense. À part que les jeunes préfèrent faire beaucoup d'argent. J'arrive vertu en smoking, je préfère porter chapeau melon. Du rap français, je suis le king. Ma tête est grosse comme un melon. C'est rare de grand standing sans perdre bien sûr quelques millions. Donc je suis sur la mise pour éviter toutes ces flûtes, ces violons. Je bénéficie d'un savoir immense. J'ai dû me préserver dans l'abstinence. J'ai dû quitter pour devant cette violence pour retrouver l'honneur de mon enfance. Oh, du taf pour du cash. Bac pour du gâchis. Pacte avec Dash. Les jeunes se détachent. Pas pour les tâches de guerre de coups de hache. Je garde lui ma classe. En quittant la casse. Ce qu'on cherche, c'est du taf. Ne veut plus de toi. Le chômage obligé d'y croire. Enfin, l'égalité des chances, c'est notoire. Vrai, ouais. Tous égaux devant la langue, tu sais. Vrai, j'encourage tous ceux qui ont du succès. Oseille, sans orgueil. Refrain, j'oublie pas mes méfaits. Vrai. Bientôt dans la nocturne. Blackjack des démocrates des. Rap français, planète rap. La nocturne. Ah ouais. Ouais, ouais. Mika Mikaz. Moi je n'ai jamais fait la baltringue, même devant Diga. Cette année est à moi, demande à Jiken et Jika. Mets-moi un supplément d'MC dans mon chicken chica. J'ai besoin d'une nouvelle affiche. J'ai voir le petit zizou à la Jika. Ouais, le petit zizou à la Jika. Oh, c'est 20 ans, oui. J'en ai fait du chemin depuis mes petits concerts à la mairie. Arrête de

West West, on peut faire le douzeille. On peut faire le douzeille. L'heure a sonné, c'est la fin de la nocturne 100% rap français avec un instant de Cozy. Cozy, le son de Cozy qui sort le 15 juin dans les bacs. Merci d'avoir veillé tard pour cette nocturne. Merci à vous tous pour vos messages. Prochaine nocturne à pas louper dans une semaine. Fabuleux est là. C'est parti, au contrôle. Rap R&B en non-stop et loupez pas. Nekfeu débarque lundi dans Planète Rap. Du rap et du R&B non-stop.